falsifiant, oui, une invitation. Sa vidéo finalement mensongère puisque le jeune homme avait en fait payé sa place et mis en scène toute la séquence. Mais lui qui avait permis de faire un... Ça lui a permis de se faire un nom sur Internet. Il est désormais de retour avec une idée bien plus déjantée et probablement plus dangereuse. Manger dans tous les restaurants McDonald's de Londres en une seule journée. Un défi particulièrement étrange que nous avons résumé dans la vidéo qui est en tête de l'article. Pas forcément très ragoûtant. Allez voir ça. Ridicule comme le jeune homme. Il aime ça par exemple. Lui, c'est d'être une vedette, hein, se faire voir. C'est ça. On est célèbre pour rien, mais on est célèbre quand même. Johnny Depp dans la peau de Donald Trump. Dans un film parodique faussement daté de 1988, l'acteur Johnny Depp incarne le candidat à l'investiture républicaine Donald Trump. Dans toute sa splendeur. Le site de vidéo humoristique Funny or Die s'est payé la tête du milliardaire aux toupettes flamboyants par le biais du réalisateur Ron Howard, qui est pas n'importe qui. Ron Howard, premièrement, il était dans Happy Days à l'époque avec Fonzie. Mais sinon, c'est lui qui a réalisé 1 million de films de Apollo 13 en passant par Cocoon et Beautiful Mind et 1 million d'autres films. Là. Ron Howard, c'est comme le réalisateur d'Hollywood. Et ainsi que l'acteur Johnny Depp. Comme le rapportait le quotidien de USA Today, le film biographique serait inspiré du livre The Art of the Deal, qui a été publié en 87 par Trump. Le film est présenté par Ron Howard en introduction. Il raconte comment il a trouvé ce document presque inédit sur une cassette VHS dans une vente de garage à Phoenix, en Arizona. Pour obtenir sa copie, il a dû se battre ardemment avec une dame du nom de Ginny. Voilà pour la petite histoire de cette grande œuvre. Ce film égaré retrace de manière dithyrambique les grands moments de la carrière de Trump, comme si tout était réalisé, joué et écrit par lui-même. Le tout servi avec une esthétique plus que 1980 respectée à la lettre. La trame sonore, eh bien, c'est la pièce titre qui est d'ailleurs interprétée par Kenny Loggins, celui qui, entre autres, chantait Footloose, tiré du film du même nom, ainsi que Danger Zone, du film Top Gun. Même que des personnages tout droit sortis de la culture populaire de cette décennie interviennent dans le récit. La marionnette Alf et le Doc Emmett Brown, de Retour vers le futur, par exemple, y participent. Pour voir le film The Art of the Deal au complet, cliquez sur le lien via la page Facebook du Dîner de cons. 5 cadeaux coquins de dernière minute pour la Saint-Valentin. À acheter à la pharmacie, là, vraiment, à dernière minute. Vous vous rendez chez votre copine ou au resto, vous avez les mains vides. Non, mais qu'est-ce que j'ai? Ben là, tu passes à la pharmacie, puis t'achètes ça. OK? Premièrement, peut-être, bonne chose, hein, c'est le meilleur ami de tous les couples, un lubrifiant. Évidemment, qui dit Saint-Valentin dit souvent une soirée sous la couette. Si vous désirez surprendre votre compagnon en mettant un peu de piquant dans votre relation, offrez-lui un lubrifiant. Holé, holé! Sinon, pour madame aussi, un pot de crème hydratante. Hein? Surprenez votre tante moitié avec un pot de crème hydratante, quelques chandelles et une bouteille de vin. Optez pour de la crème hydratante plutôt que de l'huile à massage. C'est moins salissant. Peut-être aussi, simplement, à la pharmacie, hein? La simplicité vous dirait acheter un parfum. L'attirance physique est souvent reliée à l'odeur corporelle. Offrez-vous et offrez à votre partenaire son parfum favori. Peut-être que ça manque d'originalité, mais vous êtes assuré de faire un heureux ou une heureuse. Ben, s'il aime ça, hein? Autre truc qui est intéressant à acheter à la pharmacie dernière seconde, et puis ça nous met du vrai dans les mains, c'est un appareil photo jetable. Pourquoi ne pas sortir vos sous-vêtements friolants, votre meilleure bouteille de champagne et faire une séance photo coquine? Toutefois, gardez-vous une petite gêne, car si vous les faites imprimer, quelqu'un risque peut-être de les regarder. Mais avec un appareil photo jetable, ben c'est sûr que quelqu'un, vous n'aurez pas le choix de les faire développer. Mais quand même, en tout cas. Autre truc à acheter à la dernière minute avant de vous rendre à votre rendez-vous de Saint-Valentin, peut-être des White Stripes et du chocolat. Ben oui, certains diront que c'est pas un cadeau très romantique, mais pour d'autres, l'amour passe par les petites choses. Offrez à votre amoureux, amoureuse, une boîte de chocolat en cœur et un paquet de White Stripes, hein, pour blanchir les dents. Vous pourrez ainsi vous empiffrer de sucre tout en vous assurant d'avoir tous les deux un sourire resplendissant. C'était 5 petits cadeaux coquins de dernière seconde à acheter à la pharmacie. C'est un journal télévisé, une équipe d'un journal télévisé, qui blague sur des cours de yoga nus. Faux rire est assuré avec cette vidéo. Puis moi, ça me fait rire parce que j'ai un projet de musique électronique, je joue souvent dans des festivals, ou comme j'aime me plaire à dire, je joue dans beaucoup de festivals. Hein? Et puis, il y a des festivals de musique électronique qui sont assez hippies quand même. Et puis, il y a des gens qui pratiquent le yoga à poil comme ça. Donc, je peux tellement comprendre l'équipe du journal télévisé qui commente un peu certaines positions qui sont particulières en yoga nu. Donc, ces images ne quitteront plus votre esprit après avoir vu cette vidéo. La faute au yoga nu et à l'humour un peu cochon des animateurs de la chaîne américaine Fox 4 à Kansas City. Eh bien, alors que l'un des journalistes évoquait des cours de yoga nu pour la Saint-Valentin, lui et l'une de ses collègues se sont amusés à deviner quelle posture serait la pire en tenue d'Ève ou d'Adam. Alors que le premier présentateur évoque des postures classiques comme les jambes écartées ou les fesses arrière, sa collègue a remporté le pompon en parlant de la posture du bébé heureux. La posture du bébé heureux, là, je vous explique, c'est allongé sur le dos, OK, sur le sol, les jambes qui sont repliées sur soi-même. Donc, on a comme la nuit qui fait face au soleil, tu sais, tu comprends? Alors, on vous laisse imaginer. Bien sûr, nous avons pris le soin de vous montrer la vidéo, dans la vidéo, les postures mentionnées quand même, pour ne rien louper du spectacle. C'est un petit jeu qui s'est évidemment bien terminé en fou rire pour les acolytes après une petite blague de leur régie qui leur a effectivement montré la fameuse posture du bébé heureux et ruiné par la même occasion les prochaines séquences de yoga habillé. Vraiment bien intéressant. C'est simplement ludique. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de... C'est juste drôle. Et tiens donc, on va se faire une dernière petite nouvelle ici avant d'aller en musique. C'est à Berlin que se trouve la plus petite boîte de nuit du monde. Ça aussi, une petite vidéo à voir. Donc, à Berlin se trouvent certains clubs et bars réputés pour leur superficie et leur espace. On peut ne penser qu'aux célèbres Bergen ou Watergate, par exemple, qui sont immenses. À l'opposé, on retrouve le Télédisco. Le Télédisco, eh bien, c'est fort probablement le plus petit nightclub du monde. Il n'y a même pas assez d'espace pour un DJ dans cette boîte de nuit qui est littéralement une cabine téléphonique. Le record de capacité de ce club est de 9 personnes, mais on vous suggère d'y aller avec 3 ou 4 amis au maximum. Moi, je vous dirais qu'à 2, déjà, vous êtes assez serrés. Enfin, il y a 2 télédiscos à Berlin, les deux dans le populaire quartier de Friedrichshain. Le principe est assez simple. Le télédisco est ouvert 24 heures sur 24 et on n'a qu'à payer 2 euros et choisir sa musique pour y danser quelques minutes. Une halte intéressante pour ceux qui visitent la ville ou les autres qui ne seront pas rassasiés avant de rentrer chez eux vers 5 heures du matin après une longue soirée dans un autre club. Vraiment très, très bonne idée. Allez voir ça. Sur ce, eh bien, on s'en va tout de suite en musique. Et comme on s'en va au télédisco, alors pourquoi pas aller avec M. Gilles Jogging, Je rentre pas seul, hein, qui s'en va en boîte comme ça pour se ramasser une chicks. Il s'en va peut-être au télédisco. Saturday night, les strobos claquent, la boîte est pleine, l'odeur de sexe m'excite, j'enchaîne les vodka pommes. Sur un rythme frénétique, j'attends ma proie au bar dans l'ombre. Ce soir, c'est promis, c'est juré. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. L'heure tourne, c'est chaud pour moi. Costume à paillettes bleues. Attention, j'entre sur la piste. Je me chauffe très vite sur un petit disco. Roulé boulé 360, retourné, suivi d'un grand écart facial. Ça y est, je crois que tout le monde m'a remarqué. Surtout la blonde au fond du canapé. Elle est pour moi, je vais la serrer. Je m'approche d'elle d'une façon classe et distinguée. Je la regarde dans les yeux et je lui balance. Tu sais, t'es bonne, je vais te déglinguer. Elle me dit, tu craques ou quoi? T'as vu ta gueule? Je pars comme un prince, espèce de conne. De toute façon, ce soir c'est promis, c'est juré. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Alors comme je manque grave d'imagination, je me suis dit que brancher la serveuse, c'était peut-être une solution. Je m'approche du comptoir, l'air sérieux et détaché, et je lui balance. Tu sais, t'es bonne, je vais te déglinguer. Encore loupé, c'était la meuf du videur, il me l'a fait comprendre. À coup de poing dans la gueule, je ressors des chiottes en sang. Mais de toute façon, je m'en fous. Ce soir, c'est promis, c'est juré. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Putain, j'en ai plein le cul, c'est trop dur de plaire. toute façon, elles savent pas ce qu'elles perdent. Et bien tant pis pour elles. Attention. Mais d'un coup, l'ambiance devient hystérique. Le DJ annonce le dernier morceau. Un remix de Bernard Ménez. Le tube Jolie Poupée, version techno. Ça c'est un signe, ça peut pas tromper. C'est la dernière, je vais mettre le paquet. J'enchaîne les figures, j'occupe toute la piste. Je sue, je me donne à fond, ça va marcher. Le morceau s'arrête, tout le monde est déjà parti. Mais je sens un regard sexy posé sur mon body. Je me retourne et j'ai compris. Elle me sourit et je vois son appareil dentaire briller dans la nuit. C'est vrai qu'elle n'est pas vraiment mon type. Elle a l'air un peu vulgaire et y a plus qu'elle au vestiaire. Elle a l'air super. Je m'approche d'elle en titubant et je lui balance. Tu sais, cocotte, je crois que t'es l'amour de ma vie. N'importe quoi. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Et c'était Gilles Jogging qui veut pas rentrer seul. Et si vous, ça vous tente de pas rentrer seul ce soir, eh bien, j'ai... Attends un petit peu deux secondes ici, je veux vraiment être assuré. Il y a Pierre-Olivier Lessard qui nous invite ce soir. Il y a un spectacle de OBGMs et Dead Messenger. Donc, toute une soirée qui s'annonce au Tipetac. Nous accueillons de OBGM ainsi que de Dead Messenger ce soir, jeudi 11 février. De OBGM sont un quartet qui déborde d'énergie et qui sait comment faire bouger le monde. Les OBGMs sont un groupe trash rock à la fois explosif et captivant qui tiennent à ce que le plus banal des spectateurs devienne un expert en mosh pit dès la fin de leur spectacle. Dead Messenger, eux, perpétuent la tradition du gros rock mélodique ancré dans les enseignements de Oscar Du ou Dinosaur Jr. Celle-là même qui nous a amené Bionic, les Bessner Lake Priestess ou même les plus grosses pointures comme les Foo Fighters. C'est selon Nightlife Magazine. Les billets à la porte sont à 10$ et code check gratuit. Alors, c'est ça. Je vous invite à vous rendre au Tipetac ce soir à 21h. Sinon, ben on continue dans nos nouvelles tout à fait insolites et inutiles. 5 créations originales utilisant le chocolat. La Saint-Valentin approche, on le sait, on en parle sans arrêt. Et qu'est-ce qui rime le plus avec la fête de l'amour que du bon chocolat? Si vous en avez assez des boîtes de sucreries classiques, voici 5 autres présentations assez originales de cette gâterie. Vous pouvez aller voir, il y a une vidéo aussi en tête de l'article. On peut vous proposer le choco-kebab. Donc, un kebab, c'est plus une crêpe, là, remplie de chocolat. Sinon, les fameux chocolats aux insectes, mais ceux qu'on vous propose en plus sur l'image que je vous offre, eh bien, ce sont de beaux petits carrés de chocolat. Et puis, les insectes, des petits grillons, des petits verres de farine, etc., ont été trempés dans l'or avant. Donc, ça donne un petit peu, ça cache un peu l'aspect, pas pour moi, mais pour la plupart des gens qui est répugnant d'un insecte. Moi, sérieux, ça me répugne pas. Mais c'est vrai que déguisé en petit habit d'or comme ça, un petit grillon a l'air plus appétissant sur le morceau de chocolat, simplement parce que c'est plus esthétique. Vous pouvez aussi profiter de l'impression 3D avec du chocolat et ainsi faire des structures vraiment particulières, des structures géométriques. Toutes les idées que vous avez en tête, vous pouvez les réaliser avec l'impression de 3D en chocolat. Il y a la statue de chocolat. Celle-là, par contre, elle va vous coûter plusieurs milliers de dollars. Et ce qui coûte aussi plusieurs milliers de dollars, c'est la mode en chocolat. On a réalisé plusieurs trucs mode en chocolat, autant des vêtements qu'intégrés, des odeurs, etc. Vous irez voir ça. Et si vous voulez vous rendre à Montréal pour trouver les meilleures adresses où il y a du chocolat, je peux vous envoyer ça. Ici, il y a la chocolaterie Bono. Qui là-bas, il reste une ambiance familiale dans une chocolaterie dynamique du quartier Hansick. Les ganaches que prépare M. Yves Bonneau sont délicates et gourmandes. Chocolat 70% cacao, de beurre non salé, de crème 35% et d'extrait de fruits, de fleurs, d'épices et autres aliments naturels. Sur la rive sud, eh bien, vous pouvez vous rendre chez Chocolat Favori. Pareil comme ici aussi à Trois-Rivières, vous pouvez vous rendre chez Chocolat Favori. Sinon, autre endroit, le Douceur. Le Douceur, vous trouverez là-bas une façon de présenter le chocolat qui manque pas d'originalité sous forme de bouquet. Pardon, je suis en train de faire un stridor, là. Entre autres, il y a également à découvrir d'autres présentations très originales. On nous dit pas c'est où, mais c'est douce, comme le mot douce, et sœur, comme ta sœur. Dans un même mot, ça doit se trouver assez facilement. Il y a les chocolats Geneviève Grandbois dans le quartier 1030, chez Juliette et Chocolat, toujours aussi dans le quartier 1030. La Cabosse d'Or, située dans une grande maison de briques grises et entourée d'un magnifique jardin. La Cabosse d'Or est le passage obligé des amateurs de chocolat qui se promènent vers le mont Saint-Hilaire. La boutique est une invitation à la tentation chocolatée. Ça donne faim. Et finalement, la maison Cacao. Ce sont les réalisations d'Édith Gagnon qui régalent depuis une quinzaine d'années les habitants de la rue Laurier qui apprécient les subtils mélanges de saveurs d'épices qu'elle met dans ses chocolats. À Trois-Rivières, il y a les chocolats Sanson, entre autres, et plusieurs autres chocolats. Inscrivez chocolat et la ville où vous êtes, et puis vous allez trouver ce qu'il y a de mieux autour de chez vous. Ici, des policiers qui fuient une scène de crime, et c'est à voir en vidéo. Une vidéo montrant des policiers mexicains qui semblent fuir une scène de crime est devenue virale sur les réseaux sociaux en seulement 4 jours. Plus 1 million d'internautes l'ont vu et commenté. Partagé sur la page Facebook les reporters associés, cette vidéo montre une équipe de policiers qui tend précisément une rue. Quelques secondes plus tard, un meurtre y est commis. La scène se passe dans le Sinaloa, un état du sud du Mexique, qui a été repéré par les confrères de la BBC. Ces images n'ont pour l'instant pas été authentifiées exactement. Alors encore là, une histoire à suivre. Et là, on va aller dans le contraire complètement de la Saint-Valentin. Je vous présente les 10 criminels les plus recherchés du Québec. Je vais vous donner à peu près juste le nom, prénom, et puis peut-être pourquoi ils sont recherchés. Et puis, vous pouvez, si vous avez des informations sur ces individus ou sur ces dividus, comme diraient certains, eh bien, si vous avez des informations sur ces dividus, eh bien, écrivez à la Sûreté du Québec ou appelez à la Sûreté du Québec. Donc, premier criminel des plus recherchés au Québec, je vous présente Alvaro Ramirez. En 2009, à Sainte-Agathe, Ramirez et deux compagnons sont entrés par effraction dans une résidence. Le propriétaire les a surpris et dans la confusion, un des trois criminels aurait tiré par accident sur un autre, le tuant. Eh bien, Ramirez est en cavale depuis, donc meurtre au deuxième degré et introduction par effraction. Autre personnage bien recherché au Québec, Claude Gauthier. C'est dans le cadre de l'opération Shark. Des mandats d'arrestation ont été mis contre Gauthier, entre autres pour meurtre, complot pour meurtre et gangstérisme. Gauthier est membre du chapitre de Trois-Rivières des Hells Angels. Donc, je vais faire attention à ce que je vais dire. Il est recherché pour meurtre, complot de meurtre, trafic de substances interdites, infraction au profit d'une organisation criminelle. Autre personnage des plus recherchés ici au Québec, eh bien, Antonio Costella. Antonio Costella, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, lui aussi est recherché depuis 2009 par l'opération Shark. Il fait partie du chapitre le chapitre South des Hells. Selon la SQ, il pourrait actuellement se trouver en Europe et peut-être plus particulièrement au Portugal. Autre personnage des plus recherchés au Québec, eh bien, c'est David Carroll. David Carroll, qu'est-ce qu'il aurait? Il a fait un complot pour meurtre, complot de trafic, meurtre au premier degré, trafic de stupéfiants et gangstérisme. Un bon voisin, hein? Sinon, Guy Rodrigue. Eh bien, Guy Rodrigue, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça, là, il y a plein d'informations, vous pouvez aller voir. Tu sais, il est écrit tout, là, cicatrices, tatouages... Tatouage d'aigle à l'avant-bras, inscription des Hells Angels au bas droit, tatoué sur toute sa longueur. Il a les cheveux bruns, mais il est chauve, mais il pourrait avoir des cheveux, on sait jamais. Donc, Guy Rodrigue est accusé et recherché pour meurtre, complot de meurtre, trafic de substances inscrites à la LRCDAS et infraction au profit d'une organisation criminelle, un peu comme l'autre. Marc Bocage, même chose, 22 chefs d'accusation pour meurtre. Un gentil monsieur, complot pour meurtre, trafic de substances et réelles, ben, ça continue. C'est encore pas mal des gens qui ont rapport pas mal avec le crime organisé et les Hells Angels. Marcelin Morin, lui, c'est corps de police, le ERM en Mauricie, donc pour meurtre, 22 chefs aussi, trafic de substances illégales, infraction au profit d'une organisation criminelle. Ça, on est pas mal avec des Hells Angels. Ici, tout un autre personnage, Kapor Partasarati. OK. Il se fait appeler aussi Ashri et Dupi Singh. OK. Il est né en 1973, le 18 décembre. Il est de citoyenneté indienne. Cicatrices et tatouages, il n'y en aurait pas. Et il parle l'anglais et l'hindi. Il est recherché pour agression sexuelle. Sinon, Patrick Motin. Patrice Motin. Un des plus jeunes ici, date de naissance 1982. Un jeune, il parle français, canadien-français. Il est recherché pour meurtre au premier degré. Et finalement, eh bien, Sylvain Maheu. C'est triste, mais j'en connais un, Sylvain Maheu. Il a même déjà été le copain à ma mère, hein, oui. Mais c'est pas du tout lui, là, je vois l'image. Donc, 70 kilos, Sylvain Maheu. Il est né en 62, cicatrices et tatouages sur les bras et la poitrine. C'est le corps de police de la ville de Montréal qu'il recherche et il est recherché pour meurtre, ce monsieur Sylvain Maheu, qui n'est pas le Sylvain Maheu qu'on connaît ici, dans le coin de Trois-Rivières. Pas du tout. Donc, c'était les criminels les plus recherchés du Québec en ce moment. Sinon, huit meilleures façons d'épargner sur votre prochain billet d'avion. Magasiner un billet d'avion peut parfois donner de sérieux maux de tête. Plusieurs sites spécialisés offrent aujourd'hui une multitude de services et il peut être assez difficile de s'y retrouver. Je vous envoie ici 8 règles d'or à suivre pour minimiser le coût de vos billets. Bien sûr aussi en ayant un certain confort, hein, parce qu'on peut aussi se retrouver à voyager dans la soute à bagages, mais c'est peut-être plate pour un vol qui dure 8 heures, hein, on se comprend. Donc, les références croisées, un point évident qu'on néglige parfois, c'est comparer le prix des sites web les plus réputés pour se faire une idée du prix moyen d'un billet recherché. Certains d'entre eux se vantent de trouver le meilleur itinéraire à l'aide d'algorithmes avancés. Pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour y débuter vos recherches? J'ai mis en bas de cet article des sites que nous recommandons. Les alertes de prix, comme les prix varient énormément de jour en jour, la plupart des sites Internet vous donnent la possibilité de vous avertir dès que le prix d'un billet change à la hausse ou à la baisse. L'idéal pour rester informé durant la période d'achat de vos billets. Savoir aussi aller simple ou aller-retour. Nous avons évidemment toujours tendance à rechercher un billet aller-retour. Il faut malheureusement revenir un jour, hein? C'est ça qui est plate d'un vacances. Bien que contre-intuitif, vous devriez toujours vérifier le prix de deux allées simples plutôt qu'un seul aller-retour. Vous serez parfois surpris de réaliser une économie assez significative en prenant simplement deux allées simples. Effectivement, me semble, c'est la logique même. Aussi, magasiner en navigation privée. Si vous avez déjà remarqué que les prix des billets semblent varier dans la même séance de recherche, vous n'avez pas halluciné. Les sites de compagnies aériennes utilisent des cookies, qui est un petit fichier installé sur votre ordinateur qui envoie votre activité web à la compagnie pour prendre note de votre comportement et, en l'occurrence, hausser le prix du billet que vous recherchez. Cette pratique n'est pas systématique et a été dénoncée à plusieurs reprises. Comme il vaut mieux prévenir que guérir, utilisez la fonction de navigation privée incluse dans votre furteur avant de magasiner votre billet. Ça, c'est une très, très bonne idée et pas simplement pour des billets d'avion, pour tout ce que vous voulez acheter sur Internet, vous êtes toujours mieux d'aller en navigation privée qui est inclus dans le furteur avant de magasiner quoi que ce soit parce que les compagnies savent que vous le voulez. Si ça fait 18 000 fois que vous allez visiter les prix des billets parce que vous avez absolument d'aller en Jamaïque cet été ou cet hiver, eh bien, ils vont dire, ben, gars, il veut y aller. Fait qu'on va mettre les billets les plus chers puis il va finir par y aller pareil. On comprend que c'est tout à fait... malhonnête, mais c'est comme ça pareil. Utiliser un réseau privé virtuel. Un réseau privé virtuel, mieux connu sous le nom de VPN, est un outil qui sert entre autres à modifier le pays où vous vous trouvez sur Internet. Par exemple, si vous êtes à Montréal, vous pouvez faire accroire à un site Internet que vous vous trouvez au Mexique. Le pays d'achat est un facteur considéré par les compagnies aériennes pour fixer le prix de votre billet. Faites l'expérience par pays et vérifiez où vous avez le meilleur prix. Génial! Ça, hein, ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé. La navigation privée, j'aurais pensé, mais le réseau privé virtuel, donc c'est un outil qui sert à modifier le pays dont vous vous trouvez sur Internet. Vraiment, ça, je pense que ça peut être très payant d'utiliser ça. Donc, un VPN. Recherchez par prix et non par destination. Si vous êtes flexible sur votre prochaine destination, cette astuce risque de vous faire économiser en un montant plus que substantiel. Certains sites comme Kayak et Skyscanner vous offrent d'entrer seulement votre destination de départ et vous offriront les meilleurs rabais en fonction de votre date de départ et l'endroit où vous vous trouvez. Vous aurez accès ainsi aux prix les plus compétitifs, parfois même pour vrai dérisoires. Kayak offre également de faire une recherche à l'aide d'une carte géographique. En voyant les prix en fonction des destinations, vous réaliserez qu'il est parfois plus avantageux de vous rendre dans une ville voisine et de prendre ensuite un deuxième vol vers votre objectif. Par exemple, voler de Montréal à Genève pour ensuite vous rendre à Prague avec une compagnie low-cost locale pourrait être beaucoup moins cher que d'acheter un billet direct Montréal-Prague. Alors, si vous voulez avoir des sites qui offrent ces services, c'est kayak.com/explore et il y a le Sky Scanner. Vous faites simplement n'entrez simplement aucune destination sur Sky Scanner. Le billet ville cachée. Bien que risqué, cette approche est acclamée par plusieurs voyageurs qui l'utilisent régulièrement. Il s'agit simplement de réserver un vol dont l'escale est plutôt votre destination finale. Il peut être parfois moins coûteux d'acheter un billet Montréal-Moscou dont l'escale est Prague, qui est votre destination, plutôt que d'acheter un billet directement à Montréal-Prague. Il va sans dire que vous devez avoir avec vous un bagage à main dans l'avion et surtout vous assurer qu'il s'agit d'une escale où vous sortez de l'avion. Il faut également réserver qu'un aller simple. Le retour est annulé si vous ne vous présentez pas à votre vol d'aller. L'astuce est parfois tellement avantageuse que le site Skip Lag, spécialisé dans cette technique, fait l'objet d'une poursuite par la compagnie United Airlines qui se dit lésée par un tel stratagème. C'est à suivre, mais c'est légal, puis c'est comme ça. Vraiment génial. Certaines compagnies aussi, pour plus de confort, offrent la sélection de sièges, et ce, sans frais supplémentaires. Choisissez les sièges adjacents aux sorties de secours et profitez d'un précieux espace supplémentaire pour vos jambes. Une autre astuce pour ceux qui voyagent à deux, si l'avion offre une configuration par siège en groupe de trois, sélectionnez le siège aller et le siège hublot. Si le vol n'est pas complet, parions que personne ne voudra du siège central, ce qui vous laissera trois sièges pour le trajet. Quoi que ça, par exemple, vous pouvez vous faire pogner, puis tu es à côté de ta blonde, puis il y a un crétin qui vient s'ajouter entre vous deux. C'est moins le fun. Donc, quelques sites à ne pas négliger pour magasiner ces billets d'avion. Eh bien, Skyscanner, Trip Delta, Adiozo, Skip Lag, Hip Monk, Jet Radar et Momondo. Pour en savoir plus, eh bien, visitez le site du couple de Globetrotter au bout du monde.voyage. C'est le fun. Plein de belles astuces comme ça pour économiser. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Maintenant, c'est le moment de la chronique du Club Plein Air UQTR. On accueille Evelyne Dulac du Club Plein Air UQTR. Bonjour à toi. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Oui, deuxième chronique à vie pour ta chronique à toi, là, personnellement. Ouais. Est-ce que tu commences à prendre le goût ou c'est toujours une corvée? Non, c'est pas. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler un peu de ma spécialité en plein air, c'est-à-dire les sentiers longue distance. OK. Oh. Oui. Ça coûte cher, ça, ça dépend de ton forfait. Hein? Non. Maman, c'est une joke d'Hélène Robin, c'était pas drôle. Ah, OK. Ouais, je sais. Mais c'est ça, c'est un des voyages qui coûte le moins cher que tu peux faire, là, à mon avis. Parce que, dans le fond, tu fais juste marcher, tu dors avec ta tante, puis ce que tu as payé, c'est la bouffe. OK. L'alcool? L'alcool, ouais. Mais c'est plus un voyage santé. OK, ça. OK. Ça dépend. Ça dépend des gens. Ouais, c'est ça. Ça dépend de ce que tu recherches dans ton voyage. Fait que c'est ça, j'étais allée voir un top 7, un article que j'ai trouvé dernièrement. Sur le site de Red Bull, c'est les 7 sentiers les plus longs du monde. OK. Oh! Ouais, ça part. Il y en a de partout, de l'Afrique à la Nouvelle-Zélande. Donc, le premier, c'est le trek à travers l'Amérique. Donc, ça s'appelle le Pacific Crest Trail. Est-ce que vous connaissez? Non. Aucunement. C'est dans le film Wild avec Reese Witherspoon. Ah, okay. OK, oui. Ouais, ça a fait ce trek-là, dans le fond. C'est long de 4265 km. Ça, pour vous donner un avis, là, j'ai fait Compostelle, c'était 800 km, ça m'a pris 35 jours. Wow! Puis celui-là est vraiment dur, il y a plus de montagnes. J'ai fait la Turquie aussi, c'était 400 km, puis celui-là m'a pris 30 jours. Fait que si c'est plus dénivelé intensément, ça peut prendre vraiment plus de temps. Mm-hmm. Donc le Pacific Crest Trail, 4265 km, ça prend... Moi, je dirais... C'est long, là. C'est vraiment long. C'est vraiment cool aussi. J'aimerais vraiment le faire. Il est sur ma liste. Pacific Crest, c'est fini avec les dents propres. Hein? Maman. Non, okay, je vais arrêter pas de musique. ça part du Mexique jusqu'à la Californie. Ça passe par l'Oregon, Washington, le Canada. Si vous dites, ce qui est cool avec ce truc-là, c'est que si vous en parlez, beaucoup de monde vont savoir de quoi vous parlez, justement, à cause du film Wild. Avec Reese Witherspoon. Avec Reese Witherspoon. Oui. Donc, c'est ça, c'est vraiment fun. Pour ça, il faut s'entraîner vraiment bien avant parce qu'il y a vraiment des montagnes intenses sur ce trek-là. Il faut que tu t'envoies des boîtes de nourriture sèches, préférablement par la poste, que tu vas recevoir à des points stratégiques sur le trek. Moi, par exemple, toutes les treks que j'ai fait, j'ai pas eu besoin de m'envoyer de la nourriture parce qu'il y avait tout le temps un petit village quelque part dans les montagnes à 2-3 jours de marche que là, je pouvais apporter beaucoup de nourriture avec moi. Donc, le PCT, c'est pas tout le temps possible. Faut que tu prévois vraiment longtemps d'avance. C'est quoi le mot que tu viens d'utiliser? Prévoir longtemps d'avance. Non, avance. Le PCT. Ah, PCT. Le Pacific Crest Trail. Ah, excuse-moi, OK. Je pensais que c'était encore avec Reese Witherspoon. OK, il y a des boss comme Reese Witherspoon. Ouais, c'est son petit surnom, le PCT. C'est une joke de sens. Ouais, je l'avais compris, Mathieu. Fait que le prochain trek, c'est le Trans-Canada Trail. Ah oui, ben oui. Ouais, ça, c'est le long... Le TCT. Le TCT. fait que c'est ça, c'est traverser le Canada à pied. C'est, en ce moment, il n'est même pas fini. C'est 18 000 km wow. qui est fait jusqu'à date. Puis là, ils veulent en faire. Ils veulent aller jusqu'à 24 000 km. Hey, 24 000 km, là, c'est un nombre d'années qu'on y va. Là. Mais est-ce qu'ils sont partis d'un côté pour aller jusqu'à l'autre et ils n'ont pas fini ou est-ce qu'il y a comme un milieu où il n'y a rien? Ils ont non, c'est la. Je sais pas, en fait. Bonne question. Mais, ouais, bonne question. C'est pour les questions pertinentes. Oui, mais il y a sûrement des endroits qui sont plus difficiles d'accès que là, peut-être qu'ils n'ont pas réussi à vraiment identifier le trek. C'est sûrement ça. Qui demande à Reese Witherspoon. C'est ça, avec son petit pack-sac. donc ça, ce qui est cool avec ce trek-là, c'est que si tu le finis, ben, t'es une légende, là, parce que personne ne l'a fini. Puis c'est aussi notre pays, là, on peut le visiter en même temps. Le Canada, c'est vaste, beau. Là, le Canada, là, c'est terrible, 24 000 km. Ouais, c'est, wow. C'est tout un défi. Le prochain, c'est le trek italien. J'ai été vraiment surprise quand j'ai vu ça. J'en avais entendu parler de plusieurs treks en Italie, mais jamais un aussi long. Le monde font tout le temps à Compostelle. Mais parle-nous de Compostelle, deux secondes, là, que tu as déjà fait. C'est où celui-là? C'est en Espagne. OK, parfait. Ouais. Puis celui-là, c'est 6166 km, ce qui est long. C'est la traversée complète de l'Italie. Donc, tu traverses la botte. La botte. Puis, déjà pour les filles, j'imagine que c'est convaincant. Allez, se magasiner une botte. Mais c'est tellement beau, l'Italie. Ce trek-là m'intéresse vraiment beaucoup. Parce que aussi, tu passes dans les Alpes. Tu passes à travers les Alpes. C'est vraiment beau, les Alpes. Je suis allée du côté des Alpes en Allemagne. Puis j'avais la gueule à terre. Là. Genre, faire un trek là-dedans, ça doit être trop, trop beau. Donc, 6166 km, moi, je dirais que c'est autour de 4 mois, peut-être 5. Hey, c'est long. Mais tu peux faire juste quelques parties. Ouais. Ce qui est le fun aussi, là, c'est juste partir 2 semaines, 3 semaines, faire un trek en Italie. Tu sais, ça se fait vraiment bien de faire juste une partie. Je fais le tour des restaurants avant de faire ça. Toi, ouais. Ah ben oui, la bouffe là-bas, ça va être tellement bon. En plus, tu passes sur les petits villages, ils font la bonne petite bouffe. Maison. Oui, des bonnes pizzas, spaghetti. Okay. Ah, ça doit être excellent. Macaroni, salsi. Oui, vraiment. Prochain, c'est le tour d'une île japonaise. Ça s'appelle le Hokkaido Nature Trail. Ah oui? C'est, tu fais le tour de l'île Hokkaido. Donc, c'est 4585 km. Puis, c'est cool, c'est que le décor change beaucoup. Si tu passes par un volcan en activité, il y a des forêts, il y a des lacs, il y a vraiment des vraiment beaux paysages. Je suis allée voir des photos. Puis moi, j'avais entendu parler d'un autre trek qui s'appelle le Shikoku Temple, qui est aussi au Japon. C'est la petite île de Shikoku. C'est moins long. Là. Celui-là, il est quelque chose comme 1800 km. Je voulais vraiment le faire. Puis là, j'ai vu celui-là, puis j'ai fait « Ah, il y en a encore plus long! » Puis ce qui est cool avec le Shikoku aussi, c'est que tu passes par les temples bouddhistes. C'est 88 temples bouddhistes qui sont sur l'île. Puis là-bas, tu peux dormir dans les temples bouddhistes. Wow. Tu peux te faire apprendre le bouddhisme directement par des bouddhistes japonais. Puis il y a des petits villages un peu partout. Fait que ça, t'as moins besoin de traîner de trucs que sur un gros trek comme le Trans-Canada Trail. Donc, c'est ça, le Hokkaido Nature Trail. Puis en plus, le Japon, c'est vraiment une culture intéressante. Mm-hmm. C'est plus fun de passer, je trouve... C'est sûr que c'est moins des paysans, là, mais au lieu de passer dans une grosse ville comme Tokyo, puis tu veux voir le Japon puis la culture, tu peux faire un trek dans la nature au Japon, ça se peut. C'est pas juste des gros buildings. Là. En autant qu'il y a toutes les collections de Kit Kat de différentes saveurs. Ouais. Faut tout les mettre dans ton pack-sac. C'est ça que c'est ça, faut que tu les ramènes. Les bouddhistes, les trips là-dessus. Tu leur en amènes un puis tu dis « secret de la vie ». Y en a un autre que j'ai vu, ben, après le prochain, qui m'a vraiment surpris parce que je n'avais jamais entendu parler. C'est un long trek en Afrique. Ah. Ouais, à travers deux pays africains. Donc, il passe à travers l'Ouganda et le Soudan du Sud. Mm-hmm. Ça s'appelle le Baker History Trail. C'est 805 km. Donc, à peu près la longueur de Compostelle, donc environ un mois de marche. Ou plus, dépendamment des dénivelés, mais ça a l'air relativement plat. Ce qui est touché, c'est que le Soudan du Sud est souvent en guerre civile depuis 2013. Bon, hein. Donc, en ce moment, c'est pas le trek le plus recommandé. Ça rajoute de la vie. Ouais, de l'action. Ouais, là, c'est de l'action, tu y vas à la Bear Grylls. T'as bien Barack Obama avec toi. Oui, c'est ça. Comme Bear Grylls. Fait que là, c'est pas le meilleur moment pour y aller, mais plus tard, si vous voulez faire un trek en Afrique puis vraiment voir les paysages africains, c'est vraiment une excellente façon de voir le pays. Puis en plus, tu rencontres tellement plus les... La population qui habite là-bas, là, que quand tu voyages en hôtel puis en auberge de jeunesse. Le prochain, je voulais le faire cet été, mais là, j'ai pas pu. Non. Tu vas aller dans l'Ouest canadien à la place, mais j'adore l'Ouest canadien. C'est l'Himalaya. Tu fais le Great Himalayan Trail. C'est à l'Himalaya, c'est au Népal, si je me trompe pas. Non, Tibet, excusez. Tibet. Oui, Tibet. Oui, donc c'est 1700 km, mais le sentier que la partie népalaise. Puis non, c'est ça, c'est le Népal, je suis pas folle. Il y a 1700 km. Pour cette raison-là. Ouais, 1700 km au Népal, puis ça atteint une altitude de 6200 mètres, là, c'est vraiment, vraiment haut. Mmh. C'est vraiment un truc intéressant parce que la culture là-bas est super, super intéressante, la culture bouddhisme. Mmh. Puis c'est l'Himalaya, là, je veux dire, les décors sont à couper le souffle. Ça doit être vraiment hot. Donc, c'est ça, la partie népalaise fait 1700 km, mais si tu veux faire le sentier au complet, tu te rends en Inde puis en Pakistan. Wow! Puis tu peux même aller dans des parties tibétaines, au Bhoutan. Ah, ça doit être super génial. C'est 4585 km en tout. OK. Donc, c'est ça. Celui-là, c'est surtout pour... cette trek-là, je le ferais surtout pour le côté plus spirituel. Mm-hmm. Il y en a beaucoup qui le font pour le côté plus spirituel, oui. Celle-là. À Compostelle, j'en ai vu plein qui le faisaient pour le côté spirituel, mais pas nécessairement religieux. Là. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Ah, tu fais Compostelle, fait que t'es religieuse? » Ben non. Ah, c'est pas parce que c'est un chemin chrétien à la base que tu dois être religieux pour le faire. Mais tu vois, je savais pas. Il faut que tu nous parles de tes voyages un Compostelle, jour. Oui, Compostelle, à la base, comme elle dit, à la base, c'est un chemin religieux que tu faisais pour te ressourcer sur tes propres valeurs religieuses. Un pèlerinage. Oui, c'est un pèlerinage. Exactement. Okay. Mais tu sais, c'est la façon de voyager que tu recherches dans un trek longue distance. C'est-à-dire que t'es pas pressé, t'as pas de planning. Tout ce que tu dois faire, c'est te lever, tu regardes ta carte, tu pars avec ton pack-sac, tu regardes le soleil se lever avec toi parce que tu pars tôt le matin quand tu fais des treks. Juste regarder le paysage, marcher, rencontrer des gens, trouver des petits villages tout cute où tu peux vraiment rencontrer la vraie culture puis parler avec le vrai monde. Puis tu rencontres des voyageurs de partout sur la planète. Là, Compostelle, j'ai rencontré tellement de personnes partout sur la planète. En Turquie aussi. En Turquie, un peu moins. En Turquie, c'était plus des Ukrainiens et des Russes. Ça dépendait. À Compostelle, c'était vraiment plus américain, toute l'Europe qui était là aussi. Tu rencontres du monde, c'est qu'ils parlent la même langue que toi, j'imagine, ou tu apprends la langue un petit peu avant? Le best, c'est de savoir l'anglais, mais je pense que tout le monde a une bonne base. Là. C'est sûr qu'en Espagne, j'aurais voulu plus connaître l'espagnol, vraiment. Puis en Turquie, j'ai appris quelques petits trucs en turc, mais encore là, c'est vraiment compliqué comme langue. Donc, mais les autres, ils aiment vraiment quand tu te forces. Comme ils apprécient vraiment quand tu dis des mots dans leur langue, là, comme le Hokkaido Nature Trail au Japon. Là, dans un petit village au Japon, ils parlent pas ni anglais, ni français. Non. Fait qu'il faut que tu aies une bonne base de japonais. C'est pour ça que surtout que je le fais pas cet été. Je voulais le faire avec ma sœur qui, elle, parle couramment japonais. Mais... j'ai essayé d'apprendre le japonais l'été passé parce que je voulais le faire, mais c'est faut que tu aies la discipline. Ouais, c'est ça. Donc... Il faut que tu sois capable de pratiquer aussi. Avec qui tu veux pratiquer à Trois-Rivières le japonais? Ouais. À part ta sœur, là. Mais ma sœur est autodidacte puis elle apprend beaucoup de langues, mais elle, ce qu'elle fait, c'est des petits cartons. Puis quand elle n'a rien à faire, elle sort ses petits cartons. Au lieu que tout le monde sort son cellulaire puis taponne sur Facebook, là. Elle sort ses petits cartons puis elle met le mot français puis japonais. Puis de l'autre bord, elle les apprend. Wow. Elle apprend les pays, elle les a une langues, mémoire photogénique. Oui, vraiment. Ouais. Photographique, oui. Sa mémoire est vraiment cute. C'est vraiment ça que j'ai dit. Hein, ouais, j'ai pas eu de café, je l'ai dit. Je trouve ça drôle de le dire. Ouais. Fait que c'est ça. Il m'en reste un. Oh. Et non le moindre, c'est du nord au sud de la Nouvelle-Zélande. OK, ah, beau. Oui. La Nouvelle-Zélande, c'est 3000 kilomètres. Mm-hmm. C'est pas tant grand, hein, la Nouvelle-Zélande. Ça se fait relativement bien. Je connais une fille qui l'a fait en 6 mois à vélo. Ah, quand même. Ouais, mais elle a pris son temps, là. T'sais, c'est tellement beau, la Nouvelle-Zélande. Il y a toutes les sortes de paysages possibles sur ce petit bout de... c'est un pays. Ouais. Ben oui, ce pays. Sur ce petit bout de pays-là. Qui fait partie d'un minuscule continent. Oui, puis la culture là-bas est tellement intéressante, là. C'est vraiment beau. Ils ont des volcans, ils ont des plages, ils ont des forêts. Des animaux cool. Ouais, ils ont des petits kiwis, mais les animaux... Kiwis. On parle de l'oiseau. Ben oui. C'est pas de manger. Fait que c'est ça, ça prend entre 50 et 80 jours pour accomplir 3000 kilomètres. C'est ça, montagne, lac, forêt, plage. La première fois qu'il a été achevé, c'est en 1998. Puis c'était un petit peu dur de l'updater en ligne à ce moment-là. Fait que c'est pour ça qu'on manque un peu d'informations, mais tu sais, il est bien balisé. Pour les treks longue distance, le conseil le plus important que je peux donner, là, c'est apprenez comment vous servir d'une boussole ou d'une map. Puis si vous n'êtes pas capable, ou si vous n'avez pas beaucoup d'orientation comme moi, de vous amener un GPS. Parce que c'est... OK, c'est con, mais c'est tellement utile. Ouais, ça doit. En Turquie, je ne l'avais pas. Tout ce que j'avais, c'était ma map. Puis j'étais habituée à Compostelle, qui est super bien balisée. Mais ce n'est pas toutes les treks qui sont super bien balisées. Puis je me suis perdue tellement de fois en Turquie. Là. Mais tu sais, quand tu as juste la nourriture pour comme 3-4 jours, puis là, tu dis, OK, me rendre au prochain village, ça va prendre 2 jours. Fait que je vais en emmener pour un jour de plus. Mais si tu te perds, puis là, tu es vraiment, vraiment perdue. Puis tu as beau te servir de la map puis de la boussole, tu es comme... Tabarnane, tu sais quoi qui se passe? J'ai perdu des jours de trek à juste essayer de me retrouver, puis jusqu'à temps que je tombe sur des voyageurs, qu'eux, il y avait un GPS, puis j'étais contente, là, j'ai resté scotché avec eux pendant une semaine. Tu t'étais fait confiance en n'amenant pas de GPS, je pense. Oui, c'est ça, mais en même temps, c'est un défi pour moi, puis ça peut être bien correct quelqu'un qui veut se lancer un défi comme ça. Est-ce que t'es aussi genre poche en géographie, genre tu sais pas où tu t'en vas, tu sais pas sur quel continent à chaque pays? Non, quand même pas, là. Okay. Non. Ça prend quand même une bonne connaissance de la géo pour pouvoir faire les treks de même. C'est sûr qu'avec mon truc du Népal tantôt, c'était pas fort. Mais c'était pas si pire, là. Ouais. Ouais, quand même. Il y en a des pires que ça. Il y en a qui disent mémoire fausse, c'est génique. Hey! Fait que c'est ça, ça termine les 7, selon Red Bull, plus long trek sur la planète. Il y en a plein d'autres, comme le Patagonian Trail qui traverse l'Amérique du Sud. Tu vas pouvoir nous faire une autre chronique un jour avec ça. Je pourrais en parler pendant des jours, des treks à longue distance. C'est cool, t'as pas parlé de Star Trek, par contre. Ouais. J'ai quand même plusieurs séries, des films, des dessins animés. J'ai pas regardé ça. Mais non. Ça, c'est des mois et des années. Ouais, est-ce que j'ai tu préfères les faire seuls ou accompagnés? La question qui tue. Seul. Seul? Ou ça commence en couple? Mais c'est ouais, en couple, ça passe ou ça casse. Mais ça, c'est intense à quel point ça passe ou ça casse. Je l'ai fait une fois avec ma sœur. En fait, Compostelle, je l'ai fait avec ma sœur. Okay. Ça s'est super bien passé. On n'a pas eu de vraiment gros pépins. Là. J'ai vu des personnes le faire avec leur ami. Puis ils se sont engueulés. Puis c'était pas beau. Puis ça l'a gâché une bonne partie de leur voyage parce qu'il y avait la grosse pression, tu sais, puis c'est pas le fun quand c'est lourd, parce que tu dois marcher toute la journée avec une personne, fait que veux pas, faut que tu jases avec la personne. Tu sais, moi, ma soeur, on est vraiment confortable dans le silence, on n'est pas obligé de parler pour se comprendre, fait que ça l'allait vraiment bien. Puis aussi, c'est impossible de se disputer avec ma soeur, mais ça, c'est comme Gandhi, là, tu sais. Okay, c'est la voix de la sagesse. Marie-Gandhi. Ouais, mais moi, j'ai un petit caractère, fait que si je me promenerais avec quelqu'un que lui aussi ou elle aussi a un petit caractère, ça risque de finir en flamèche, puis ce serait comme... C'est pour ça que j'aime être tout seul, parce que aussi, tout seul, t'apprends vraiment plus vite. T'es obligé de te débrouiller tout seul, fait qu'il faut que t'apprennes la langue plus vite. Il faut que tu rencontres des gens plus vite, puis ça fait de toi... Ça fait toi qui te développes vraiment plus vite par rapport à ça. Tu découvres des choses, puis intérieurement, tu te développes toi-même plus vite. T'as l'âge mental de 60 ans. Non, mais exactement. Je pense que moi aussi, je serais du genre à le faire. Je pense que moi aussi, je serais du genre à le faire seule si j'avais à faire quelque chose comme ça. Là. Parce qu'à deux, c'est difficile. Ouais, faut vraiment que tu t'entendes vraiment bien avec la personne. J'ai vu des couples que je me suis dit, ah, eux autres, un truc longue distance, ça serait le fun. Genre. Ouais. Parce que tout seul aussi, je l'ai fait en Turquie, puis c'était 30 jours à pied toute seule. Les premiers jours, j'ai vraiment trouvé ça rough, parce que les premiers jours, moi, je pensais qu'il y aurait plus de monde sur le trek. Puis à Compostelle, il y avait énormément de personnes sur le trek. Ouais, c'est vraiment beaucoup voulu, ça. Ouais, c'est ça. Compostelle, c'est super populaire, même trop. En ce moment, moi, je l'ai faite il y a 3 ans, puis c'était pas si pire, mais il y a le double à chaque année de trekkers, puis ils ont plus d'auberge, ils ont plus de place. Le monde doit courir pour arriver à une auberge où il y a de la place où dormir, sinon il faut qu'ils amènent leur tente. Puis ils veulent des douches là, après une journée complète. T'sais, souvent, c'est des touristes. En Turquie, moi, je prenais ma douche dans la mer. Ou, comme je m'en foutais, c'était rendu là. Mais Compostelle, c'est plate que tu doives courir pour arriver à ton point, que tu sois pressé parce que tu dis « Merde, j'aurai peut-être pas de place ». C'est tout le contraire que tu veux faire en faisant un trek longue distance. C'est, tu veux tout enlever le poids qu'il y a sur tes épaules. Tu veux vraiment relaxer, prendre le temps de vivre, puis juste marcher, puis profiter de toutes les petites mini-choses qu'il y a sur ton chemin. Puis c'est ça. C'est pour ça que le Compostelle, en ce moment, je le recommande plus ou moins. Okay. Faut que tu le fasses vraiment dans les saisons mortes, genre l'hiver. Je connais un gars qui l'a fait l'hiver. Mais c'est pour ça. Lui, il voulait faire un deuil. Un deuil vraiment important qu'il avait à faire. Parce qu'un trek longue distance, je pense que c'est la meilleure thérapie que tu peux faire. Ah ouais. Pour oublier quelque chose ou... Pour point. Passer à autre chose. Ouais. Au début, tu fais juste penser à ça parce que t'es tout seul puis tu marches. Mais à un moment donné, tu découvres qu'il y a plein de choses autour de toi, puis tu sais, c'est comme tu passes au travers plus facilement, je trouve, que si tu restes dans ta petite routine, qui arrête pas de te rappeler la personne. Donc c'est ça. Compostelle, je le recommande dans les saisons comme l'hiver ou fin été, début automne. Moi, je l'ai fait en automne. Mais jamais genre, l'été. Tu fais pas ça l'été. Ton année scolaire, tu laisses faire ça. Tu fais ça à la place. Ouais. T'as pris une sabbatique pour faire ça, j'imagine. J'ai pris 3 années de suite sabbatique pour voyager. OK. Ouais. Il y a un homme de Trois-Rivières qui est, je pense, rendu à sa 8e Compostelle. Ah ouais. Ah ouais. Il a écrit un livre par rapport à ça. Ah, il y en avait des vétérans comme ça. Mais lui, c'est côté spirituel, c'est aussi un homme religieux beaucoup, là, donc il va beaucoup pour la spiritualité de la chose. Mais 8, c'est... C'est quelque chose. Mais c'est ça, j'ai dérogé un peu de mon sujet en parlant de Compostelle. En Turquie, je l'ai fait toute seule, le trek. Mm-hmm. Puis c'est ça, les premiers jours, j'ai trouvé ça vraiment rough parce que moi, je suis une fille extrêmement sociale puis j'aime ça, genre avec le monde. Ouais. Mais tu sais, quand je me suis dit que j'allais rencontrer plus de monde comme à Compostelle, mais en Turquie, le monde font juste une partie du trek. OK. C'est la Likenway. Le monde font juste comme une semaine ou 2 semaines ou 3 jours. Mais moi, je voulais faire le trek au complet. Puis à chaque fois que je parlais aux gens que j'allais faire le trek au complet, ils m'ont regardé avec des grands yeux, genre, waouh, t'es motivée. Mm-hmm. J'étais genre, ben non, c'est pas ça ici. T'sais, à Compostelle, tu fais pas juste une partie du trek, tu fais toute Compostelle. Ouais, tu fais tout, ouais. Mais c'est ça, il y a beaucoup de treks que c'est comme... Les autres, tu fais une partie du trek, là. Tu peux le faire au complet ou tu fais juste une partie. Fait que j'ai été longtemps toute seule dans les montagnes à me dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Je suis toute seule, je veux parler à quelqu'un. Mais tu t'habitues avec toi-même, puis justement, tu te forges un penchant pour la solitude. Tout en, j'imagine, en même temps, rencontrant peut-être quelqu'un avec qui tu tombes en amour, peut-être, des fois. Tout le temps, autant qu'il y a des couples qui se défont, autant qu'il y en a qui se créent sur l'ancien voyage. Oui, d'après moi, oui. Oui, j'ai vu énormément de couples que c'était ça. Ils se sont défaits, puis ils ont rencontré quelqu'un d'autre, puis là... Pendant le voyage, carrément. Wow. Ouais. Bref. On a parlé de trek et de trekker. Peut-être que la prochaine fois, on parlera de truck et de trucker. Oh! Peut-être les routes les plus belles à l'addition camion. C'est ça. Pas en même mission. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On te retrouve dans 2 semaines, Evelyne Dulac. Oui. Pour notre chronique, on doit se quitter parce qu'on a une émission qui s'en vient dans quelques instants. Vas-y. Juste dire que mercredi, c'est l'initiation au camping d'hiver. Okay. Oui. Avec l'équiteur. Je pense que ça va se passer à côté de la chasse. Là. Ah oui? Pour montrer comment faire un camping d'hiver dans une tente. Parce que oui, c'est possible d'être au chaud puis confortable dans une tente, faire un camping d'hiver qui a de l'allure. On va vous montrer comment faire mercredi. Et on retrouve les informations sur la page Facebook du Club plein air UQTR, UQT, apostrophe AIR, sur Facebook. Mm-hmm. Et Evelyne Dulac, on te remercie énormément. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Plongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Aux États-Unis, affamé, un bébé otari s'invite dans un restaurant chic. Ben, c'est correct, mais si c'était juste invité dans un fast-food, la nouvelle serait tout aussi extraordinaire, hein? Donc, un bébé otari affamé s'est faufilé jusqu'à un restaurant chic en bord de mer près de San Diego, en Californie, dans l'ouest des États-Unis, s'offrant une petite sieste sur une confortable banquette avant d'être secouru par les services de protection des animaux. Assez particulier tout ça, hein? Donc, le bébé otari, une femelle, a été retrouvé par l'équipe de nettoyage du restaurant Le Marine Room, situé sur la plage de La Jolla, jeudi dernier. Elle a dit « Je peux voir le menu, j'ai demandé si elle avait une réservation », a plaisanté le chef de l'établissement Bernard Goulias. OK, qui est un Français. Il a expliqué qu'il y a eu un bout de plage entre une maison et un restaurant. Et l'otari s'est faufilé sur la rampe d'accès à travers la porte arrière. Elle s'est installée sur une banquette à côté de la fenêtre et puis s'est endormie. C'est ce qu'ajoute celui qui officie chez The Marine Room depuis 21 ans et qui vit depuis plus de 30 ans aux États-Unis. Sur des photos qu'il a publiées sur Facebook et qui font fureur sur Internet, on voit la petite otari recroquevillée et dormir. Sur d'autres, elle se dresse sur ses pattes et regarde l'océan par la fenêtre. Elle a l'air de penser « Je dois bien retourner là-bas », remarque le chef. L'équipe du restaurant, appelée le Sea Life, l'équipe du restaurant a appelé le Sea Life, qui est le parc d'attractions aquatiques et ses services vétérinaires, pour venir au secours du petit mammifère qui avait perdu beaucoup de poids. Elle pesait 9 kilos et elle aurait dû en peser presque 20, semble-t-il. C'est la première fois en 75 ans d'existence du restaurant qu'un animal s'est retrouvé dans cette salle à manger. Bernard Goulias estime que c'est un symptôme du phénomène climatique El Niño qui fait monter la température des eaux et perturbe la chaîne alimentaire. Il y a beaucoup moins de poissons pour eux et une énorme population de bébés otaries cette année. Depuis des mois, les organismes de protection de la vie marine s'inquiètent du nombre alarmant d'otaries qui s'échouent sur les plages californiennes et un taux de mortalité anormal parce qu'elles ne trouvent pas pour se nourrir. El Niño devrait empirer en plus la tendance. Et nous, ben c'est grâce à lui si on a un hiver si clément. Des navires fantômes remplis de cadavres qui flottent au large du Japon. Donc, une douzaine de bateaux fantômes transportant des corps en décomposition. C'est une nouvelle qui date de quelques mois. D'un mois, désolé. C'est pas grave, c'est quand même assez insolite. Donc, ces bateaux ont été repérés au large des côtes japonaises depuis le mois d'octobre. Ils pourraient provenir de Corée du Nord. Dans ces embarcations en bois, les cadavres trouvés étaient en si mauvais état qu'il a été impossible de déterminer la cause de leur mort. C'est ce qu'a rapporté plusieurs médias japonais. Sur l'un des navires repérés, à quelques 100 km de l'archipel, ce sont trois corps en décomposition et quasiment à l'état de squelette qui ont été découverts. Sur un autre, ce sont six crânes, un corps presque intact avec sa tête, que les autorités ont retrouvé. La plupart des bateaux disposaient de filets et des panneaux de signalisation écrits en coréen. L'une des embarcations portait sur sa coque l'inscription « Armée populaire de Corée », le nom de l'armée nord-coréenne. Un morceau de tissu en lambeaux retrouvé sur l'un des bateaux ressemble également fort au drapeau nord-coréen. Les experts s'accordent à dire qu'il est hautement probable que ces bateaux arrivent de Corée du Nord, mais les autorités, elles, se gardent de bien le confirmer. Pourtant, leur mauvais état au bateau et leur conception ne semblent pas en être des bâtiments d'origine japonaise ou sud-coréenne, les autres pays qui abordent la mer du Japon. Yoshio Yamada, qui est un expert maritime, interrogé par la chaîne de télévision NHK, s'est ému de la ressemblance de ses esquifs avec ceux utilisés par les migrants nord-coréens. Il n'a pas exclu pour autant qu'il puisse s'agir de pêcheurs à l'heure où la Corée du Nord tente d'accroître ses capacités de pêche. Dans les deux cas, ces équipages ont certainement dérivé pendant des mois sans que personne ne sache où ils se trouvent, les bateaux étant dépourvus de tout instrument de navigation moderne. Les bateaux sont en bois, sont vieux et lourds. Ils ne peuvent pas voyager rapidement et les moteurs ne sont pas assez puissants pour affronter les courants de la haute mer, a révélé l'expert. Les Nord-Coréens tentent de fuir leur pays. Ils doivent emprunter des routes de plus en plus dangereuses, dont celle de la mer du Japon. Les routes traditionnelles vers la Chine sont en effet devenues trop contrôlées. Chaque année, des dizaines de bateaux à la dérive sont ainsi repérés au large des côtes japonaises. Une histoire à suivre. Ah, je le sais, vous aimez Donald Trump? Eh bien, on vous propose un site pour le décoiffer à grands coups de trompette. Baptisé de TrumpDonald.org, un site Internet offre la possibilité de s'amuser avec le candidat à la primaire républicaine pour l'élection présidentielle. Sur la page d'accueil, les internautes découvrent un Donald Trump, le regard inquiet et soupçonneux, qui suit du regard une trompette lui tournant autour du visage. D'un seul clic, un coup de trompette et voilà le milliardaire et sa fameuse coupe de cheveux soufflée par l'instrument. C'est basé sur un jeu de mots entre le nom de l'instrupette, de l'instrument, trumpet en anglais, et celui du candidat, qui permet également de faire sortir des confettis du pavillon de la trompette aux couleurs du drapeau américain, bien sûr. Battu lors du caucus en Iowa par son rival Ted Cruz, pas sûr que ce divertissement redonne le sourire à Donald Trump. Et si vous avez envie de faire voler les cheveux de l'ami Donald, eh bien, rendez-vous, c'est par ici. Est-ce qu'on s'en va voir qu'est-ce que ça fait? On regarde ça, on le fait-tu live avec vous? Est-ce qu'on peut même entendre qu'est-ce qui se passe quand on peut... trompeté. Attends, on va aller voir ça. Ordi. Si on tient le bouton, là. Ce qui est drôle, parce que il suit vraiment... Il suit la trompette et puis on peut la faire tourner autour de sa tête et puis son toupette s'envole dans la bonne direction. Ça vaut la peine. TrumpDonald.org. C'est tellement inutile, c'est parfait pour le dîner de con. Plutôt que de mettre un PV, hein, un procès verbal ou un ticket, eh bien, un policier tirait sur les voitures qui étaient mal garées. Ne supportant plus de voir des voitures mal garées devant le domicile de sa compagne, un policier russe avait pris l'habitude de tirer dessus. Hein? Mais en fait, des voitures mal garées, les véhicules l'empêchaient surtout de garer le sien près de l'immeuble. Selon le journal en ligne Fontaka.ru, et pour la plupart, elle ne méritait ni contravention ni même tir par balle, ça c'est sûr. Que le voisinage te rassure, les habitudes pour le moins agressives de ce policier ont pris fin cette semaine. Sergueï Stepanov, de 38 ans, un analyste programmeur dans la police routière, a été arrêté par ses collègues de Saint-Pétersbourg dans la nuit de mercredi à jeudi. Je pense que c'est une bonne chose. Sur la foi de plusieurs témoignages, l'homme est soupçonné d'avoir tiré sur une quarantaine de véhicules depuis le début du mois de février. Mais là, ça se peut pas, ça fait juste même pas une semaine. OK, en tout cas, ça se peut. Dans la presse locale, les enquêteurs donnent l'exemple d'une Mitsubishi Galant sur laquelle il a tiré à plusieurs reprises, causant des dommages d'au moins 111 euros à son propriétaire. À ce titre, il fait l'objet d'une enquête pénale pour dégradation de biens et délits similaires. Là, moi, par exemple, j'aimerais ça qu'on me dise comment ça peut valoir juste 111 $. S'il a tiré dans une Mitsubishi Galant, OK, et puis ça coûte 111 $ à son propriétaire. Ben, j'aimerais ça avoir des assurances de même parce que d'habitude, tu fais à peu près rien sur une carrosserie, puis ça te coûte dans les milliers de dollars. Là, c'est 111 $ pour des trous de balles dans une carrosserie. J'aimerais ça savoir comment ils travaillent pas cher, ces Russes-là. Mais en tout cas, à ce titre, il fait l'objet d'une enquête pénale pour dégradation de biens. Des délits similaires, autrement dit, d'autres voitures visées par le policier sont en cours de vérification selon le comité d'enquête. Enfermez-le! Ben non, mais tu vois bien que c'est un dangereux débile. Il tire sur des chars parce qu'il n'y a pas sa place de stationnement. La police écossaise, justement, faudrait que cet homme rencontre la police écossaise, car la police écossaise apprend aux policiers américains à ne pas utiliser leurs armes. Hein? Non. Parce que les autres, les policiers américains, ils sont très, très vite sur la détente. Hein? Donc, la chaîne d'information en continu britannique Sky News a diffusé ce lundi un étonnant reportage dans lequel des policiers écossais enseignent à leurs homologues américains comment éviter au maximum d'utiliser leurs armes à feu. Recevant sur leur terre des responsables de la police américaine, la police écossaise leur a ainsi appris toute une série de techniques afin qu'ils n'utilisent qu'en dernier recours leurs armes à feu, dans le cadre notamment d'interpellations sur des individus violents. Un stage de formation continue dans un contexte où les cas d'homicides perpétrés par des policiers américains à l'encontre de civils défraient régulièrement la chronique partout sur la planète. L'année dernière, aux États-Unis, la police a abattu près de 1000 civils, souligne Sky News. Cette rencontre entre officiers britanniques et américains a donc pour ambition d'endiguer le phénomène. Méchant problème, hein? Pendant 4 jours, les policiers américains ont ainsi suivi leurs collègues écossais dans tous leurs déplacements afin de voir comment ils réagissent devant différentes situations, dont certaines potentiellement violentes. Le reportage de Sky News montre comment la police écossaise privilégie la défense face à la confrontation en faisant usage notamment de boucliers de protection. Les policiers américains ont pu également apprécier comment leurs homologues écossais manient l'art de la négociation afin de tourner les situations à leurs avantages. La négociation américaine est très autoritaire, explique le sergent de police écossais Jim Young. En hurlant sur les gens, vous n'arrivez à rien, souligne-t-il. C'est tellement vrai. Une violence en vigueur aux États-Unis qui s'applique également dans une règle informelle employée par la police appelée la loi des 21 pieds. Si le suspect tenu en joue par l'arme du policier franchit cette distance, qui est équivalente à 6,5 mètres, le policier américain abat systématiquement l'individu, ce qui est dénoncé parfois comme un permis de tuer. Tout à fait, c'est complètement ridicule, ça, cette loi-là, hein? Une loi informelle, la loi des 21 pieds. C'est fou. Les policiers écossais veulent prouver que la répression violente n'est pas une solution pour faire baisser la criminalité. Dans cette région du Royaume-Uni, seulement 2 civils ont été abattus par arme à feu par la police écossaise et le dernier cas d'un agent de police à avoir été tué dans l'exercice de ses fonctions remonte à 1994 et en plus, ben, il avait été poignardé, donc pas d'arme à feu. Je pense que c'est une très, très bonne chose que la police américaine apprennent un peu des autres. Ici, il y a Google qui s'explique après la traduction du mot « Russie » en « Mordor ». Ça, c'est une nouvelle aussi qui date de quelques semaines, mais je ne pouvais passer sous silence cette nouvelle trop « what the fuck hein? ». On ne comprend pas ce qui est arrivé dans la tête des programmeurs de chez Google, mais en tout cas, Google a été contraint de s'expliquer après que son service de traduction a transformé la Fédération de Russie en « Mordor ». Le Mordor, là, c'est la région du mal dans le Seigneur des Anneaux. OK? Quand même. Ça s'est arrivé lors du passage de la langue ukrainienne au russe. Outre le Mordor, Google traduisait le mot russe par « occupant » et le nom du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, par « petit cheval triste ». Ces traductions erronées, qui ont persisté pendant plus d'une journée, sont survenues alors que les relations diplomatiques entre l'Ukraine et la Russie sont toujours, elles, au point mort. Mais pour l'heure, il était impossible de savoir si ces traductions étaient l'œuvre d'activistes pro-Ukraine. Quelle que soit l'origine de ces erreurs, un porte-parole de Google a expliqué que les algorithmes de traduction étaient complexes et qu'ils dépendaient des occurrences et des mots sur Internet. Or, selon le Washington Post, de nombreux militants ukrainiens utilisent le terme « Mordor » pour désigner le pays de Vladimir Poutine. Dès que nous constatons des erreurs, eh bien, nous nous efforçons de les corriger le plus rapidement possible, a également souligné Google. Ce n'est pas la première fois que le moteur de recherche est épinglé pour ses erreurs. En mai dernier, le service de Google Maps désignait la Maison-Blanche par le thème de « Nigga House », la maison du nègre. Assez particulier à se demander qui joue là, hein, puis qui fait quoi. Mais bon, la question reste toujours très ouverte. Celle-là, vraiment, une des nouvelles les plus comiques du jour. Ça fait pas mal à personne. Ben, peut-être un petit coup de slap d'en face, ça peut être dérangeant, mais c'est pas mortel du tout. Je vous parle c'est hallucinant. Un ministre néo-zélandais frappé par un sextoy en pleine gueule. Alors qu'il s'exprimait devant les caméras, le ministre néo-zélandais du développement économique a eu une drôle de surprise. Il s'est pris une graine en plastique en plein visage, lancée par une femme qui a crié « Ceci est pour le viol de notre souveraineté ». Je pense qu'on pourrait faire ça à M. Couillard, ce serait une bonne idée. La femme a rapidement été arrêtée par les gardes du corps du ministre. Elle a été relâchée plus tard sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. Quant au ministre, il s'en sort avec plus de peur que de mal et plaisantera par la suite en affirmant que ce genre d'incident faisait partie des privilèges de la condition de membre du gouvernement de Nouvelle-Zélande. Eh ben oui. Ici, qu'est-ce que c'est ça? Donc, on ira le faire plus tard. Un homme ivre tombe dans l'ascenseur. La télévision chinoise a récemment diffusé la vidéo de surveillance d'un homme qui tombe dans la cage d'un ascenseur. Et imaginez comment que la marche peut être haute, hein? L'homme, vraisemblablement ivre, avait d'abord donné des coups de pied dans la porte du monte-charge, la fracturant. On le voit ensuite avancer vers l'ouverture, titubant à moitié, avant de chuter dans la cage d'ascenseur. Une chance, selon les médias locaux, le buveur a échappé au pire et serait seulement, oui, brisé les deux jambes dans sa chute. Il aurait pu facilement en mourir. Wow, ça c'est du magnifique, hein? Il y a Johnny Cash, eh bien, qui a maintenant son espèce d'araignée à son nom. Des entomologistes américains ont fait le choix insolite de donner le nom du chanteur de musique country, Johnny Cash, à une nouvelle espèce d'araignée, une tarentule noire récemment découverte. La créature à 8 pattes, baptisée Aphonopelma Johnny Cashy, vraiment Afonopelma Johnny Cashy est entièrement noir, tout comme s'habillait l'artiste disparu en 2003 quand il chantait avec sa guitare, notamment L'homme en noir, l'un de ses succès, ou Walk the Line, ou The Ring of Fire. On dit ici... je suis un grand fan de Johnny Cash, c'est ce qu'explique Chris Hamilton de l'université d'Auburn en Alabama, le principal auteur de l'identification de 14 nouvelles espèces d'araignées dans le sud-ouest des États-Unis, dont l'Afonopelma Johnny Cashy. Ses travaux sont publiés dans la revue scientifique Zookey. Le biologiste et plusieurs de ses collègues de l'Université d'Auburn et au Millsap College dans le Mississippi ont minutieusement examiné des tarentules trouvées dans le sud des États-Unis. À l'ouest du Mississippi, pendant plus d'une dizaine d'années, ils ont examiné et collectionné près de 3000 spécimens dans plusieurs États. Ces chercheurs ont constaté que l'espèce de tarentule portant désormais le nom de Johnny Cash s'était répandue, mais avait longtemps été considérée comme une autre espèce dite Aedius. OK, ben bonne nouvelle. Restons dans le domaine des arachnides. Une vidéo à voir, elle a trouvé une araignée géante dans un sac de salade. C'est une Australienne qui a eu la peur de sa vie en découvrant une gigantesque araignée dans le sachet de salade qu'elle venait d'acheter. Elle a immortalisé sa rencontre avec l'arachnide par une vidéo dont la viralité saisissante a conquis tous les réseaux sociaux. Sur les images, on distingue l'arthropode piégé dans un sachet de plastique, bougé au milieu des feuilles de salade, et on entend l'Australienne émettre un cri de stupeur. « Oh mon Dieu !» s'exclame-t-elle. « Oh my God !» Sur son compte Facebook, la jeune femme n'a pas manqué d'interpeller la chaîne de supermarché ayant commercialisé le dit sachet de salade, qui a ouvert une enquête dans la foulée Dans la foulée, ironie de l'histoire, la découverte de cette araignée est survenue peu après l'annonce d'un rappel de plusieurs lots de laitue susceptibles d'être contaminés par la salmonellose. Bonne chose d'avoir voulu faire le rappel. Par contre, dans la vidéo, moi, je trouve que ça a l'air plutôt d'être... La fille, elle voit ça dans l'étalage du supermarché. C'est quoi, elle l'a acheté pour pouvoir amener la compagnie en cours? Je sais pas. En tout cas, si vous avez plus de détails, veuillez nous les inscrire via la page Facebook du Dîner de cons. Sur ce, eh bien, je vois l'heure qui avance. On va aller en musique avec la formation Malajube. La pièce que je vous propose, eh bien, c'est le stridor. Et qu'est-ce qu'un stridor? Parce que Malajube a tout le temps le tour d'aller trouver des mots qu'on n'emploie pas si souvent ou des trucs un peu étranges. Eh bien, le stridor, c'est ce bruit aigu anormal émis lors de la respiration, tu sais, quand ça cille. C'est dû à un passage anormal de l'air dans les voies aériennes supérieures, le larynx plus souvent, parfois la trachée. Chez le nourrisson de moins de 6 mois, il peut être causé par le stridor laryngé, congénital essentiel, l'anomalie la plus fréquente. Alors, elle est alors respiratoire, précoce, isolée, bien tolérée, spontanément résolutive dans les 16 premiers mois. Il y a l'angiome qui est sous la glotte, hein, sous-glottique, le stridor paralysie laryngée, le stridor sténose laryngée congénitale ou acquise, et les kystes laryngées ou justa laryngées, rares diagnostiques par la fibroscopie nasopharyngée. Donc, le stridor, c'est ce sillement qui est fait par une respiration qui est anormale. Alors, allons donc écouter le stridor de Malajube. Je me mords les lèvres à t'attendre encore, dis-moi. le stridor de la formation Malajube. Vous êtes bien en dîner de con. Donc, oui, tantôt, là, quelques minutes, je vous parlais de vent vraiment très, très fort donc au large de la France et puis des taux de vagues, des hauteurs records. Eh bien, semble-t-il que... à cause des vents, eh bien, deux blessés graves ont été dénoncés ici à Paris après la chute d'un panneau de publicité. Deux personnes ont été grièvement blessées à Paris après la chute d'un panneau publicitaire arraché par les vents violents. Parmi les victimes, un couple de piétons, une jeune femme se retrouve entre la vie et la mort. Elle a été transportée en urgence à l'hôpital sous escorte motorisée et son pronostic vital est engagé. Son compagnon, lui, souffre d'une fracture au fémur. Les faits se sont déroulés aux alentours de 14h50 près de la porte Maillot à l'angle de l'avenue de la Grande Armée et de l'avenue Malakoff, dans le 16e arrondissement de Paris. Les rafales de vent ont fait s'envoler les panneaux publicitaires accrochés à une palissade de chantier. Il s'est ensuite écrasé sur les deux jeunes gens. Une histoire à suivre. Les policiers et les pompiers étaient sur place avec deux ambulances. Donc, on verra. Il y a sûrement des suites de ces vents très, très violents. Un village anglais martyrisé par des cygnes. Cette fois, Alfred Hitchcock n'y en est pour rien. Depuis plusieurs semaines, les habitants de Brimscombe, un petit village de l'ouest de l'Angleterre, sont confrontés, oui, à des attaques d'oiseaux. Plus précisément, ils sont la cible d'un couple de cygnes déchaînés. Ces animaux sauvages dégradent les pelouses, prennent en chasse les cyclistes et le facteur crève les pneus des voitures. Comment un cygne peut crever des pneus de voiture et même attaquer un enfant? Certains résidents, oui, craignent de sortir de chez eux de peur de tomber dans une embuscade aviaire. Je m'excuse, mais je ne peux comprendre comment des cygnes peuvent péter des pneus. Même avec un couteau, c'est quasiment dur de péter un pneu, là, pour vrai. Les comportements agressifs de ces oiseaux s'expliquerait par le fait qu'ils cherchent à conquérir un territoire avant de se reproduire. Malheureusement pour les habitants, mis à part s'armer de tuyaux d'arrosage et de pistolets à eau, ils ont peu de moyens de défense. Les cygnes sont en effet une espèce très protégée en Angleterre depuis le Moyen Âge. Le fait de s'en prendre à l'un d'eux étant même considéré comme une traîtrise envers la couronne britannique. Aujourd'hui, si la loi a été un peu assouplie, un tel acte reste encore un crime. Une autre histoire ici à suivre avec les cygnes anglais. Dans l'Épinal, c'est dans les Vosges, en France, eh bien, un mystérieux voleur de chasse d'eau sévit dans les restaurants. Donc, un mystérieux voleur de chasse d'eau sévit actuellement dans les restaurants de la ville. Samedi soir, Cathy et Éric Boisset en ont fait les frais. Ce couple responsable du Memphis Coffee, un restaurant américain spécialisé dans les burgers, ont découvert avec surprise que deux plaques de chasse d'eau avaient disparu. Il était environ minuit 30 lorsque l'un des employés est venu avertir Éric Boisset qu'une personne leur avait dérobé la plaque de la chasse d'eau des WC pour hommes. Interloqué, le responsable n'a pu constater la véracité des propos de son salarié. La fameuse plaque « On ne peut plus ordinaire » avait effectivement disparu. À ce moment-là, je me suis dit que j'allais me rendre dans les toilettes pour femmes afin de prendre les références et en recommander une nouvelle. C'est ce qu'explique le patron dans les colonnes du Vosges Matin. Sauf que les toilettes pour dames avaient subi le même sort. Plus de plaques pour cacher et actionner le mécanisme des chasses d'eau du restaurant. En tant que restaurateur, eh bien, on a été tenté de nous voler des plaques en inox à l'effigie de Marilyn Monroe ou de Elvis Presley. On nous a dérobé des porte-serviettes, des salières, des poivrières. Après tout, on en a toujours en avance. Par contre, les plaques de chasse d'eau, elles, ne sont pas en stock. Vraiment d'un ridicule assumé, hein? Des petits voleurs à la tire. Tu sais, ça doit pas valoir des millions, là, des plaques de toilettes. En tout cas, tué par la chute d'une météorite, c'est dans une école privée d'ingénieurs. Non, c'est une école privée d'ingénieurs, oui, qui a été touchée près de Nantrapali, dans le district de Vellore. C'est dans le sud de l'Inde. Une personne, donc, a été tuée et trois autres ont été blessés quand un objet est tombé du ciel dans la nuit de samedi. Aucune trace d'explosif n'a été détectée. Les scientifiques et experts affirment qu'il s'agit d'une météorite. Selon la police, une forte explosion a été entendue près d'un réservoir d'eau peu après minuit dans les locaux du... Bharatindasan Engineering College. Kamaraj, Oui, OK, ça, c'est le nom d'un employé de l'université qui était parti boire de l'eau, a été grièvement blessé. Il est décédé à son arrivée à l'hôpital. Trois autres personnes, des jardiniers qui travaillaient à proximité, ont subi des blessures mineures. Des jardiniers qui travaillaient à minuit et demi le soir, OK? Les vitres et les pare-brises des bus garés à proximité et les réservoirs d'eau ont été brisés par l'impact de l'explosion. Un cratère s'est même formé sur ce site. Bien qu'une explosion d'une bombe a été soupçonnée, l'enquête des experts a rapidement démontré qu'il n'y avait aucune trace de substances explosives sur les lieux. Plus surprenant encore, des morceaux de type minéral très rares ont été trouvés et des échantillons sont actuellement analysés par les scientifiques. Particulier comme histoire ici. Il y a Marine Le Pen qui est élue au premier prix du menteur en politique de l'année. On se doute que ça devait être seulement avec des politiciens français. Parce que sinon, on a plusieurs bons prospects ici au Québec, hein? Donc, la deuxième édition du prix du menteur en politique, organisée par plusieurs journalistes de différents médias, et a été consacrée ce vendredi à Marine Le Pen pour son accumulation de fausses affirmations sur les migrants. La présidente du parti frontiste a plusieurs fois énoncé les propos inexacts, notamment sur l'ampleur de la vague d'arrivants, leur sexe et les motivations, ainsi que sur le faux assaut de migrants contre des pompiers à Calais. Marine Le Pen succède ainsi à Nicolas Sarkozy comme vainqueur, qui c'était le vainqueur de l'an dernier, mais qui bénéficiait cette année d'un totem d'immunité. Ce prix du menteur en politique vise à inciter la classe politique à moins mentir et à encourager le grand public à vérifier les discours politiques, soit du fact-checking, une pratique courante aux États-Unis. À noter qu'un prix spécial du jury a été attribué à Patrick et Isabelle Balkany, qui sont des républicains, pour l'ensemble de leur carrière. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Vient de braver la température. On va l'appeler par son nom, c'est Jimmy Thibodeau. Faut dire avec un petit peu plus de classe que ça, je pense. Faut dire Jimmy Thibodeau. Parce que sinon, il a l'air d'un tueur. Ah, mais c'est ça. Jimmy Thibodeau. Faut pas dire ça. Donc, Jimmy Thibodeau, bonjour à toi. Bienvenue pour ta chronique C'est dans le monde que ça se passe. Bien, merci beaucoup. Et on parle toujours d'actualités qui passent sous le radar, donc des choses un petit peu moins connues. Tout à fait. Et là, cette fois-ci, je suis vraiment dans mon thème... De ces allemands que ça se passe, dans le fond, parce que j'ai deux nouvelles purement internationales à vous partager. Oh! Ben oui. La première est super courte, là. J'avais vu ça il y a deux jours, puis je voulais vous le compter. Dans le fond, tu sais, on dit souvent que les nouvelles internationales, c'est... bon, c'est poche, c'est macabre. Mais il y a des mots dans la bouche. Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Mais non, des fois, ça peut être cute, hein. Et je peux le prouver parce que, dans le fond, il y a une nouvelle qui est passée récemment dans le Washington Post, puis ailleurs aussi. En fait, c'est une nouvelle où... vous connaissez la ville de Homs en Syrie? Ça va? Maintenant que je le dis, ben oui. Mais Homs, en fait, petite mise en contexte, là, c'est un bastion rebelle. Et il a été bombardé à répétition. Donc, c'est vraiment un champ de ruines aujourd'hui. Là. On voit les édifices complètement vides, toutes les fenêtres arrachées. C'est vraiment... ça fait penser un peu à Gaza, finalement. OK. Ouais. Donc, C'est pas cette ville-là qu'on a vue dans une vidéo, justement, où que tout est comme en ruine. Oui, ben c'est ça. Récemment, il y a eu un drone qui a passé au-dessus de la ville puis qui nous a montré à quel point c'était, vraiment délabré. À quand l'émission de télé-réalité sur les vidéos de drones? Drone de vidéo? Ouais. Oh boy. Mais attention, il y a une super nouvelle qui est arrivée. C'est un photographe qui a partagé ça. Il y a un couple qui s'est marié dans les ruines de Homs. Ah, romantique. Ah. Ouais. Ouais. Oui, je sais. Est-ce qu'ils sont syriens? Oui, ils sont syriens. Ouais. On en sait rien. Hein? Non. Attends, j'allais faire une joke de... Non, aucune joke sur les Syriens, Mathieu. Aucune joke. Comment s'appelle la ville? Homs. C'est comme dans la chanson des hommes, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Zacréon. OK, tu peux continuer. Enfin bref. Ouais, c'est ça. Mais non, le gars est quand même habillé en habit militaire, fait que ça, c'est un peu bizarre. Mais à part de ça, ça fait des super belles photos. Hey, ça doit.

Donc, encore une fois, un peu absurde. On a aussi la Turquie et la Syrie. La Turquie qui peut faire un mur pour prévenir l'immigration qui vient de Syrie. Parce que oui, la Turquie, c'est un endroit où les migrants, en fait, passent beaucoup. Et là, ils veulent prévenir ça. Donc, pour régler le problème de l'immigration, on tombe sur des murs. Hein. C'est une très bonne idée. Puis l'Hongrie veut faire la même chose, d'ailleurs. L'Hongrie qui veut faire un mur avec la Turquie. Donc là, t'as comme la Hongrie. Ouais. Là, un mur avec la Turquie. Puis la Turquie fait un mur avec la Syrie. Fait que là... Finalement, tout le monde va être isolé de tout le monde. Dans c'est ce ça. Là. Ouais, mais c'est comme deux murs contre les migrants en plus. Donc, je me demande ce que ça va donner. Et puis finalement, on a aussi le Kenya et la Somalie qui, eux aussi, font un mur pour les tensions qui se passent là-bas. Donc voilà, vous voyez un peu le topo. Non seulement on a des cas super problématiques à l'heure actuelle, mais on a d'autres murs qui se font et je pense que les gens doivent être sensibilisés à cet enjeu-là. Puis, comme je vous ai dit en introduction, j'ai l'impression que c'est vraiment une symbolique très très forte, ces murs-là. Mm-hmm. Ça montre la division, la haine, des fois, la ségrégation dans l'humanité. Puis je pense que c'est moins il y a de murs, mieux c'est. Donc voilà. Hey, à l'ère où on dit que l'échange international est à son plus haut, crée des murs partout. Ça montre un manque de maturité. Ils sont pas assez murs. Manque de civisme. J'essayais de la placer. Ou sinon, j'allais dire que Jimmy est tellement, renseigné sur les murs qu'il est en train d'étudier pour devenir jeune cadre, comme un cadre de porte. C'est bon, ça? Ouais, les blagues d'aujourd'hui. Hein. Jimmy Thibodeau, merci beaucoup, ta collègue sur les murs aujourd'hui. On a toujours un sujet toujours varié, on sait jamais à quoi s'attendre. C'est toujours une surprise, puis c'est le fun de même, j'aime ça. Ça fait plaisir. C'est très cool. Jimmy Thibodeau, c'est dans le monde que ça se passe. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mardis à 8h. Yes, au revoir. Clé de. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Plongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Je vous présente ici les 15 hôtels les plus fous du monde. Donc, ça va peut-être vous donner le goût de voyager ou pas. Peut-être dire, ah non, on est bien chez nous. Hein? C'est plus ordinaire, c'est plus simple. Premièrement, je vous parle de la Villa Hamster à Nantes, en France. Vous avez compris, hein? Puis-je me mettre à la place de mon hamster, interroge le site internet de cet étrange gîte situé dans une ruelle de Nantes. Si cette question vous hante, eh bien, la Villa Hamster est la réponse. Et au vu de ses salles de bain en bois, ses lits paillasses et ses gigantesques bonbonnes d'eau utilisables avec les pieds, et bien sûr ses très romantiques roues à hamster pour deux, eh bien, la réponse semble oui. Vous pouvez être un hamster le temps d'une nuit si c'est ce que vous voulez, ou jusqu'à ce que vous payiez la chambre, hein? Et ce, jusqu'à ce que la fourrure aussi. Hein? À l'accueil, il est fourni à chaque nouvel arrivant un masque de hamster. Moi, je trouve ça vraiment malaisant, je vous le dis. Sinon, ici, le Three Bubble en France. Vivre dans une bulle, ce n'est plus juste bon pour Glenda la sorcière. En France, il est possible d'en faire l'expérience pour au moins une nuit en réservant une place dans les chambres gonflables du designer Pierre-Stéphane Dumas. Ce sont des refuges transparents et surréalistes qui flottent aux quatre coins de la France dans 8 sites naturels, dont le château de la forêt datant du 16e siècle. Les pensionnaires ont différents choix d'intimité. Des bulles semi-transparentes sont disponibles et de taille aussi différente. Une suite bulle peut être créée en combinant une petite bulle avec une grande ou une grande suite en reliant deux lits doubles et ce grâce à un fil protégeant des insectes, de la moisissure et des allergènes. Ainsi, les bulles sont faites d'un revêtement plastique anti-UV. Ces orbes glamour fournissent une protection contre les éléments bien plus élevée que celle d'une vraie bulle. Ben, on s'en doute, hein, parce qu'une vraie bulle, on la touche et puis elle éclate. C'est pas compliqué. Si ça vous tente d'aller faire, ça c'est magnifique, une suite dans le Grand Canyon, le Grand Canyon Cavern Suite. Donc, pour ce qui est de l'intimité, difficile de battre le Grand Canyon Cavern Suite, qui est à plus de 200 mètres sous terre et tellement loin de la surface, il est dépourvu de toute lumière naturelle. Et absolument rien n'y vit parce qu'il est situé à l'intérieur d'une caverne. L'air qu'on y respire est sec et pur. Et avec ses lits, ses espaces de vie et ses salles de bain, la caverne est parfaitement indiquée pour la vie humaine. De fait, elle servait d'abri atomique pendant la guerre froide, capable d'accueillir 2000 survivants pendant plus d'un mois. Aujourd'hui, elle fait partie d'un plus grand complexe de 48 chambres dans le Grand Canyon et s'avère être une manière unique de découvrir un des vestiges les plus préservés et les plus prisés de notre planète. Excellent. Le Grand Canyon Cavern Suite. Sinon, le Propeller Highland à Berlin. Si un hôtel pouvait résumer l'aspect avant-gardiste de Berlin, ce serait bien le Propeller Highland City Lodge. Si le mot « hôtel » ne figure pas dans son nom, c'est pour une raison bien simple. Le séjour à Propeller Highland donne l'impression de passer la nuit dans une œuvre d'art. Chaque chambre possède une ambiance radicalement unique, fruit du travail de l'artiste allemand Lars Strauchin, dont une cellule de prison avec des lits en forme de cercueil, une suite couverte... Une suite couverte de fragments de miroirs et une chambre où le mobilier est à l'envers et pas au plafond, tandis que l'on s'installe dans un lit creusé à même le sol. Vraiment très particulier, très artistique et un peu dérangeant même. Vraiment génial. Save the Beach, divers endroits. Qui croirait qu'un hôtel littéralement fait de déchets aurait des amateurs aussi haut placés que Bar Raffaelli ou Elena Christensen? Eh bien, apparemment, l'artiste allemand Schulte a imaginé un futur glamour dans le recyclage des détritus en hôtel. Son hôtel mobile, d'abord placé à Rome en 2010, puis à Madrid en 2011, est fait de 12 tonnes de détritus retrouvés sur les plages d'Europe. L'idée est de revitaliser les plages d'Europe en les nettoyant, et l'hôtel est la vibrante manifestation. Avec ses murs couverts d'un éventail allant de bouteilles en plastique aux canettes écrasées à des instruments de musique abandonnés et des membres de corps désarticulés, même de mannequins. Ça donne quelque chose d'assez improbable comme résultat et bien sûr unique. Sinon, le Sala Silver Mine Underground Suite. Toujours ici, on est sous la terre, mais on est en Suède. Tout ce qui brille n'est pas or. Parfois, c'est de l'argent aussi, même s'il est difficile de savoir s'il y a assez de lumière à 600 mètres sous terre. Pour discerner la lueur de quoi que ce soit, eh bien, 600 mètres, c'est la profondeur de la Sala Silver Mine Underground Suite et ne serait-ce que pour son statut d'hôtel le plus profond du monde, cette unique chambre est hallucinante. Celle-ci est creusée dans une ancienne mine d'argent datant du 18e siècle et équipée d'un mobilier tout en argent. Les arrivants ont droit à une visite rapide puis sont laissés pour la nuit dans leur chambre à 30 degrés Celsius. Pas une suite pour les faibles du cœur, semble-t-il, à 600 mètres sous la terre. Assez particulier, le Dog Bark Parkin' dans l'Idaho. Eh bien oui, ça c'est de la taille d'un rocher, les couleurs de Snoopy, et on peut y passer la nuit. C'est une sorte de chien de Troie. Situé dans les pâturages de l'Idaho, endroit où la patate est reine, accompagné de toilettes en forme de pompe à eau géante, le Dog Bark Parkin' est un beagle. Un chien beagle, haut de 9 mètres, nommé Sweet Willy, qui accueille un monde merveilleux basé sur le thème du chien. Ainsi que 26 chiens sculptés et des cookies en forme de chien, les résidents dorment dans une chambre avec un lit simple et une annexe avec deux lits jumeaux. Probablement la niche la plus mignonne dans laquelle vous dormirez, bien sûr, ou peut-être vous dormirez jamais. Hein? Moi, je pense pas me rendre là. Et à noter, on n'en parle pas ici, mais la porte d'entrée se situe dans le cul du chien, effectivement. Sinon, un hôtel vraiment bizarre, c'est The Balancing Barn. Balancing Barn, donc la ferme qui se balance, on pourrait dire. Les vacances sont faites pour trouver l'équilibre entre le travail et le plaisir. Alors pourquoi ne pas prendre cette assertion, oui, de la façon la plus littérale possible en réservant une chambre dans la Balancing Barn, perchée sur une colline pittoresque dans le Suffolk en Angleterre, que l'on peut admirer par ses fenêtres panoramiques encadrées de bandes métalliques futuristes. Eh bien, The Balancing Barn est une représentation de l'architecture du bonheur d'Alain Botton, conçu par le groupe d'architecture conceptuelle Living Architecture. Cet hôtel a déjà remporté plusieurs récompenses. Et là, on peut imaginer que la maison peut se balancer. On essaie de comprendre, parce que le milieu de la maison est sur une colline, puis on dirait vraiment une balançoire d'enfant, là, tu sais, quand on s'amuse. En tout cas, vous irez voir ça, c'est dur à expliquer et facile à voir pourtant. Sinon, à Palacio del Sal, en Bolivie, ne vous approchez pas du Palacio del Sal si vous voulez réduire votre apport en sodium. Cet endroit est fait de sel pur, donc c'est le palace du sel. Des murs au sol en passant même par les meubles. Les huttes blanches couleur craie se font dans le paysage blanc du Salar del Uyuni, qui s'étend vers un abandon salé dans toutes les directions et procure un point de vue imprenable pour l'observation des étoiles ou la dégustation du popcorn. Hein? Il y a du sel partout. Des frites, des chips, peu importe. Vous avez compris, c'est une terre de sel et de beaucoup de sel. Vraiment très, très particulière. Allez voir ça. Palacio del Sal. Sinon, oh, celle-là, on en a déjà parlé ici même au Dîner de cons. C'est la Casanus, hein, la Casa, mais Casanus en Belgique. Quelle que soit la raison pourquoi on vous y amènerait, eh bien, si un jour vous avez si vous avez envie de passer une nuit dans une sculpture géante d'intestin humain, rendez-vous à la Casanus, oui, en Belgique. Cette structure étrange et bulbeuse est anatomiquement correcte jusqu'aux veines et aux nerfs, mais l'endroit n'est pas à jeter aux toilettes. Les résidents peuvent y profiter d'un lit double, de l'électricité, de chauffage et d'une salle de bain complète avec de l'eau chaude. L'explication de l'artiste Job Van Lischot, eh bien, à l'origine du projet, c'est que les lieux sont en chantier et un chantier en mouvement, non poli, contradictoire, bordélique, complexe et inharmonieux. Un peu comme un intestin, n'est-ce pas? On peut... Oui, OK. Bon, on ne sait jamais. Sinon, aux Pays-Bas, parce que là, on était rendu en Belgique, donc on est juste l'autre côté, on traverse la frontière, on va dans les hôtels, les capsules hôtels. Ce sont ces capsules oranges qui ressemblent un peu à des vaisseaux de la vie aquatique ou à des... Comment qu'on pourrait dire? À des petites soucoupes volantes, mais on lance ça quand on est en mer sur certains navires, OK? C'est exactement ça. Donc, c'est les vaisseaux de la vie de Wes Anderson, mais elles étaient en fait des navettes de secours pour une raffinerie de pétrole dans les années 70. L'artiste Denis Oudanjic a eu l'idée de transformer ces capsules, en hôtels flottants pour un projet artistique. Et voilà qu'elles sont devenues situées à La Hague. Ces navettes de 4,5 mètres de largeur n'ont pas été modifiées, excepté pour l'ajout d'une serrure et de toilettes d'urgence à l'intérieur. Allez voir ça, donc, ce sont des capsules de survie qu'on utilisait, donc, en pleine mer. Autre hôtel les plus fous du monde, eh bien, le Giraffe Manor au Kenya. Impossible d'être égoïste avec son repas au Giraffe Manor du Kenya. L'une des 8 créatures tachetées au long cou qui vivent dans ce sanctuaire passera sûrement sa tête par votre fenêtre pour manger un morceau, lécher votre plat, puis s'éloigner. Ce sont des girafes amicales qui font de cet hôtel est-africain, qui date des années 30, un endroit surréaliste et nostalgique à la fois. D'autres animaux de safari vivent dans cette propriété de 140 hectares. Et si vous en ressentez l'envie, faites un saut à l'orphelinat pour éléphants de David Sheldrick et adoptez un bébé pachyderme avant de partir. À noter que vous pouvez l'adopter, vous ne le ramenez pas, hein, vous l'adoptez. Donc, vous allez être son bienfaiteur. On ne ramènerait pas un pachyderme dans l'avion. Sinon, à Karostas Sitium, en Lettonie. C'est une prison qui a fermé ses portes en 1997 après presque un siècle de confinement morbide et dangereux pour les prisonniers militaires. Mais on dit que les lieux sont toujours bien hantés par les fantômes de son sordide passé tsariste. D'effrayants vestiges soviétiques occupent les cellules mécaniques et métalliques et sombres. Et des acteurs en habits militaires recréent l'atmosphère de l'emprisonnement avec un réalisme terrifiant. Les résidents ont le choix entre faire un tour avec des accessoires de spectacle, participer à une émission de télé-réalité appelée « Derrière les barreaux » ou se mettre dans la peau d'un prisonnier en passant une nuit dans la prison. Ils sont alors traités vraiment comme des prisonniers. J'irai jamais là. Me semble que tu veux pas ça, hein? Sinon, on retourne vers la Suède dans le Three Hotel. Monter ses bagages en haut d'un arbre prend tout son sens quand l'endroit a autant de cachets que le Three Hotel en Suède. Les suites vertigineuses flottent dans la forêt verdoyante à l'orée d'un petit village de Harad, conçu par des architectes suédois de premier plan. On a le choix entre une suite ressemblant à un nid d'oiseau, un ovni et une suite particulièrement futuriste qui reflète les arbres de tous les côtés grâce à ses murs en miroir. Les résidents montent dans leur logement grâce à une petite rampe, un pont ou un escalator. Peut-être n'aurez-vous pas l'envie de quitter votre chambre, mais vous aurez la possibilité de pratiquer la randonnée en raquette ou en chien de traîneau l'hiver, la pêche ou le kayak en été. On a des endroits un peu similaires, hein? C'est en les sphères dans les arbres en Colombie-Britannique, et c'est moins loin. Si vous n'avez pas le goût de vous rendre en Suède, eh bien, rendez-vous simplement au BC ou rendez-vous ici dans l'Hôtel de glace de Québec. Non, pas pour moi, mais bon, pas besoin de vivre dans un igloo pour saisir la véritable expérience canadienne, mais ce serait sûrement amusant. Pendant quelques mois, à chaque année, on peut vivre comme un Esquimau. Un Esquimau ne vit pas dans un hôtel de glace en passant. À Québec, entièrement constitué de glace et de neige, même les sommiers sont glacés et 500 tonnes de glace et 15 000 tonnes de neige ont permis de former des plafonds hauts de 20 mètres et un mobilier sculpté finement. Tant mieux pour vous. Moi, c'est pas pour moi ça, un hôtel de glace. Ici, un chandail qui a fait beaucoup parler, admise aux urgences avec un T-shirt inapproprié. Salma Hayek explique avec humour sur Instagram l'incident. Donc, c'est une situation pour le moins gênante, mais aussi plutôt amusante. Il n'y a pas tant de gêne là. Simplement, c'est coquin, c'est ludique. Donc, Salma Hayek, il y a quelques jours, alors que cette actrice mexicaine était sur le tournage de son premier film, la comédie Drunk Parent, elle a été victime d'un petit accident et s'est blessée à la tête. Rien de grave, mais elle a tout de même dû être transportée aux urgences vendredi dernier. Cependant, la comédienne ne portait pas une tenue tout à fait appropriée pour se rendre à l'hôpital. Elle était vêtue d'un T-shirt « topless ». Donc, elle avait un T-shirt, mais le T-shirt topless, eh bien, est orné d'un motif de buste de femme qui donne l'impression qu'elle ne porte pas de haut et dissimule sa poitrine simplement avec ses mains. Finalement, c'est un corps de femme avec la femme qui cache ses seins avec ses mains. Donc, elle avait un T-shirt comme ça, OK? Donc, Salma Hayek a cependant décidé d'en rire et a commenté sa petite mésaventure dans un post publié sur son compte Instagram. Elle dit « Malheureusement, ma tenue pour la scène était complètement inappropriée pour un hôpital. Merci au Dr. Foster, et Elle Sperman. » qui ont si bien pris de moi. Et ne vous inquiétez pas, cela ne m'a pas rendu plus folle qu'avant, plaisante la compagne de François-Henri Pinault, que l'on peut voir sur Instagram vêtue du fameux T-shirt en compagnie des deux docteurs bien souriants. Le T-shirt est magnifique, la femme est magnifique et les deux docteurs ils ont l'air d'être tellement contents d'avoir rencontré la belle Salma Hayek. Peut-être que son nom comme ça vous dit rien, mais si vous la voyez, vous allez la reconnaître, bien entendu. Si vous avez déjà vu quelques films américains, bien sûr. Une tempête qui a lieu quoi hier, des vagues de plus de 13 mètres ainsi que des vents de 140 km/h. 13,5 mètres au large du Finistère, 11,5 mètres au large de Saint-Jean-de-Luz. Météo France avait prévenu, les vents forts atteignent parfois 140 km. Les hauteurs enregistrées ce matin par les bouées le long des côtes françaises donnent le vertige. Et encore, ce n'est qu'un début, ces vagues particulièrement puissantes vont s'amplifier progressivement aujourd'hui sur le littoral atlantique et de la Manche pour atteindre des hauteurs remarquables. Ces hauteurs enregistrées le long des côtes françaises semblent même anecdotiques au regard de celles enregistrées au large de l'Irlande. La houle là-bas affiche tout de même plus de 16 mètres, qui est l'équivalent quand même d'un immeuble de 6 étages. En France, ces vagues vont provoquer un risque de surélévation du niveau de la mer en raison du coefficient des marées. Cette conjoncture de coefficients élevés et de fortes vagues risque d'engendrer, surtout au moment de la pleine mer, des submersions sur des parties exposées aux vulnérables ou vulnérables du littoral. La fin de l'alerte pour les vents sont prévues ce soir à 20h, mais pour les vagues submersions, elle sera probablement prolongée jusqu'à la nuit de mardi à mercredi. Les intempéries ont en outre provoqué de nombreuses coupures de courant en Normandie à 11h. il y avait 9000 clients privés d'électricité contre 7000 dans matinée. Et en Bretagne, l'impact reste relativement limité avec 5000 clients privés d'électricité en fin de matinée contre 10000 à l'heure de 7 heures. Les Pays de la Loire ne comptaient qu'un millier de clients privés d'électricité, dont 400 en Sarthe. Donc, faites attention à vous, cousins français. Ou si vous avez à prendre la mer pour vous rendre en France, peut-être attendre quelques jours. Assommé en marquant un but, ça c'est une vidéo à aller voir, lors d'un match de football, l'attaquant allemand Nick Proschwitz a marqué un but gag ce dimanche lors de la 25e journée du championnat de football belge. Le joueur de Saint-Tron en effet a été mis KO par un ballon qui a finalement terminé sa course dans les buts du Standard de Liège. En réalité, l'Allemand ne se doutait probablement pas qu'il allait marquer de cette manière à l'issue d'un cafouillage dans la surface de réparation du gardien liégeois Victor Valdez. Il s'est retrouvé à quelques centimètres de la ligne de but. Un défenseur a alors tenté un puissant dégagement que Nick Proschwitz a involontairement repoussé. Sauf que le ballon est arrivé avec une telle puissance sur sa figure qu'il est finalement rentré dans les buts. L'attaquant, lui, sous la violence du choc, s'est effondré, assommé. Il n'a ainsi pu célébrer comme il se doit son premier but sous les couleurs de son nouveau club. Nick Proschwitz a signé à Saint-Tron lors du dernier mercato hivernal. Il s'est néanmoins rapidement révélé. Il s'est rapidement relevé et a pu être félicité par ses coéquipiers. Saint-Tron s'est finalement imposé contre le Standard 1-2 ce dimanche dans le cadre de la 25e journée de Pro League. Et tiens donc, allons avec qui est Sarah McDaniel, la top modèle en une du dernier Playboy. En tout cas, elle a les cheveux verrons, hein, c'est ce qu'on dit. En posant partiellement habillée en une du numéro de mars de Playboy, elle est celle qui ouvre un nouveau chapitre de la plus célèbre des publications de charme. Âgée d'à peine 20 ans, Sarah McDaniel est star des réseaux sociaux et fascine tout autant qu'elle intrigue. Mais là, ce qu'on veut dire, c'est le nouveau chapitre de la célèbre publication de charme, c'est que désormais, ben non, messieurs, vous avez beau feuilleter le magazine, vous ne la verrez pas tout nu. Vous allez juste la voir coquine ou pas trop habillée, mais quand même, vous ne verrez pas ce que vous voulez voir. Ben oui. Il y a tout d'abord ses yeux verrons qui lui donnent cet air envoûtant et énigmatique, un regard fait de deux couleurs différentes, soit à la fois vert et bleu. Une particularité de la nature dont le terme scientifique exact est hétérochromie que Sarah Daniel, une jolie brune de 20 ans pour 1,77 m, partage entre autres avec les actrices Mila Kunis et Danielle Rua, mais contrairement aux idées reçues, pas avec David Bowie. Non, lui, c'était un accident, il n'avait pas les yeux littéralement verrons. Pardon. Une beauté hors norme, oui, qui attire l'attention et qui n'a pas échappé au monde de la mode, constamment en quête de beauté atypique. Mannequin de profession, sa différence oculaire a permis à Crotchy, c'est le nom que la belle s'est donné sur Instagram, de se faire une place de choix sur le célèbre réseau social en comptant ce jour plus de 273 000 suiveurs. Jalousée, certains lui ont reproché de porter des lentilles de contact, ce que Sarah McDaniel a toujours nié. Oui, magnifique, charmante jeune femme. Sous contrat avec l'agence LA Model, eh bien, Sarah McDaniel a connu une fulgurante ascension ces derniers mois, une progression qui n'a pas échappé au patron de Playboy, qui l'ont choisi parmi des centaines d'autres filles pour poser en couverture du numéro de mars 2016. Un numéro événement, puisque Playboy avait annoncé au mois d'octobre que le magazine ne présenterait plus de femmes entièrement nues. Une réforme de sa ligne éditoriale destinée à prendre en compte la concurrence féroce d'Internet dans le domaine oui, des images et des vidéos érotiques. Le numéro à paraître le mois prochain se veut en phase avec la nouvelle génération et les réseaux sociaux, puisque la jeune femme étend ses bras vers l'appareil photo comme si elle prenait un selfie et qu'un message « Hey, hey » dans la barre de photos comme sur Snapchat, comme si elle nous parlait. Hein? Oui, c'est très, très artistique. C'est coquin, c'est beau, mais bon, on pensait jamais que Playboy irait si loin dans la vertu, même si c'est simplement une question d'argent, on le sait très bien. Bien qu'il soit difficile de savoir combien de photos de Sarah McDaniel seront dévoilées dans le numéro de mars de Playboy, la jeune femme a publié un cliché d'elle sur Instagram où, allongée sur un lit couvert d'une simple serviette, elle déclarait être honorée de faire partie de la relance de Playboy. Une merveilleuse jeune femme, tout à fait. Allez voir ça si ça vous intéresse. Sur ce, eh bien, on va aller en musique. La pièce que je vous propose, eh bien, c'est notre ami Jean Leloup. La pièce s'appelle « Les bateaux » qu'on écoute tout de suite dans le Dîner de cons. Ça fait longtemps, là. Ouais, non, je suis dans le coin, je suis revenu, je pensais à toi. Je suis, ah non, juste prendre des nouvelles. Pis t'es ta fille? Hein, t'en as deux? Ah ben, pis ils sont rendus à quel âge? Hein, ta fille est rendue à l'université? Arrives-tu bien? Non, non, ça va pas marcher la tête ici. Hein, t'es pas au courant? Oh, c'est fait pogner, ouais, ouais. 2 ans. Ben 2 ans moins un jour. En tout cas. T'as-tu pas un café? Un thé? Le voilier est sur le quai. L'océan est sous le vent. Nous ne sommes pas partis. Mais nous sommes encore en vie. C'est toujours ça de prix. Tu te rappelles-tu de notre toile? Il est loin le temps où nous rêvions ensemble. Il est loin le temps, tellement loin il me semble. La pluie tombe sur le plexi de la cabine en ruine. Il est bientôt minuit. Le voilier est sur le quai. L'océan est sous le vent. Nous ne sommes pas partis. Ah, ben yo, yo. Non, non, regarde, là, pleure pas, là. Là, je sais que tu vas pleurer, là, non, pleure pas, là, non. Regarde, c'est pas grave, là, on s'est pété la gueule. Regarde, on aurait fini, ça aurait fini par mal se finir, là. T'as bien fait, regarde, je t'en veux pas, là, t'as bien fait de t'en aller. Le voilier est sur le quai. L'océan est sous le vent. Nous ne sommes pas partis. Les gars, ça aurait été bien cool que tu donnes des nouvelles, mais bon, on l'a fait. Mais nous sommes encore en vie. Trop difficile, c'était trop dangereux. C'est toujours ça de prix. Non, gars, arrête donc de chialer, là. Chiale pas. Puis le café. C'est toujours ça de prix. Ne regarde pas trop les bateaux. Ok, gars, on se prend un café, là. Ok. Tu la lune étrangement beau. T'es où, là? Quelle place à peu près? Ce sont tes rêves tombés à l'eau. T'habites où? Qui continue de courir sans capitaine ni matelot. Ben gars, je suis juste à côté, là. Ne regarde pas trop les oiseaux. Ok, parfait, dans 5 minutes. Qui brillent sous la lune étrangement beau. Ce sont peut-être tes idéaux. Ne regarde pas trop les oiseaux. Regarde pas trop les bateaux qui brillent sous la lune étrangement beau. Ce sont tes rêves tombés à l'eau qui continuent de courir sans capitaine ni matelot. Ne regarde pas trop les oiseaux qui sont en retard sur le troupeau. Qui donne élan, s'élance vers l'hiver. Ne contemple pas trop les oiseaux solitaires. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Depuis quand est-ce que Facebook te dit bonjour? J'ai l'impression que Facebook se prend pour une personne. Internet te dit bonjour ce c'est matin. C'est ça. Mais Sébastien Vigartin me disait que crime, quand t'es de mauvaise humeur, qu'est-ce qu'il fait? Eh, je sais pas, hein. Il dit de te calmer. Ouais, peut-être que ça va aller mieux. Peut-être. Ce serait fun s'il détectait ton humeur. Non? Ça serait. Là, ça serait vraiment un téléphone intelligent. Ouais, c'est ça. Un jour, peut-être. Mettons. Mais tiens, pour l'instant, celui qui va nous parler de ses humeurs, peut-être sur la politique, on sait pas, on sait pas. Ouh. Voici Sébastien F. Guertin et son bulletin Guertin. Bonjour Sébastien F. Guertin. Bonjour à vous deux. Sébastien, il nous regarde genre une fixe jusqu'à temps qu'on l'ait présenté. C'est vrai? Pas le droit de parler avant ça, je pense. Non, non, moi, je suis pour qu'on respecte le cadre. Ah, le cadre! Okay. Ouais. T'es un vrai fonctionnaire c'est de la radio. Bureaucratie. Ben, ça tombe bien que tu parles de ça. Ah. Devinez de quoi je vais parler aujourd'hui. De bureaucratie. C'est bon, là. De revenus des fonctionnaires. Non, c'est pas vrai. Du tout. Non, en fait, c'est parce que tu disais, Mathieu, que bon, moi, je disais qu'est-ce que Facebook fait si je suis de mauvaise humeur à matin. Bon, ben, j'ai décidé, à matin, je vais y aller d'une montée de lait un peu. Okay. Oh, oh, OK. Oh, oh, watch out. Ouais. Ouais. Bing, non, bang, c'est ça. Je me suis mis du mauvais pied à matin. Faites attention. Puis, il y a un truc qui flotte dans l'air depuis quelques jours déjà. En fait, c'est de l'actualité, puis ça en est. Pas comment dire ça. C'est pas récent. On en a déjà parlé. Okay. On en a déjà parlé la semaine dernière. Moi, j'en ai parlé à. Petit plug personnel, l'émission que je fais avec Hubert le jeudi. Jeudi dernier, on en a fait allusion. Bien sûr, de la sortie de secours est à votre gauche. Effectivement. 13h, heure de l'Est sur C'est fou. Je voulais pas faire ma plug au complet parce que. Mais merci. comme ça, j'ai pas l'air de profiter de votre émission pour mais me plugger. Non, je veux dire que c'est aussi en rappel les samedis à 9h. Exactement. Ah, okay. Oh, c'est ça qui est. Et aussi en balado-diffusion sur notre page Facebook. C'est génial. Donc, de quoi vais-je parler? De quoi va être ma montée de lait? Bon, c'est que. C'est Lucas qui en avait parlé la semaine dernière à son tour de table qu'on fait à chaque début d'émission. C'est que, bon, il y a encore, malgré le fait que selon Philippe Couillard, notre cher premier ministre, on serait rendu maintenant, on aurait dépassé le cap de la, lui disait, la rigueur budgétaire, et on serait maintenant rendu dans les eaux plus calmes. Ça, c'est la comment t'appelles ça, le mot pour ça, là? La rigueur... métaphore? Non, la rigueur budgétaire, c'est la même affaire que les... L'austérité, c'est l'autre mot. Ouais. Bon, ça, c'est le mot pas beau qu'il faut pas dire. OK, OK. Mais... je rabaisse les gens à mon niveau. Ah, OK. Ouais. Bon, on était beaucoup à utiliser le terme austérité quand même. Là, la chicane sémantique entre les deux termes, c'est pas du tout de ça que je voulais parler, parce qu'une montée de lait sur de la sémantique, c'est pas le fun. Oh! Non. Par contre, bon, comme je disais, apparemment que là, on est rendu au moment où ce qu'on arrête de couper dans tout de manière paramétrique et on se remet à réinjecter. Sauf pour les universités, apparemment, il y a d'autres coupures d'annoncer. Mais ne nous inquiétons pas, Philippe Ier a une... Philippe Ier. C'est parce qu'il a vraiment dit ça d'une manière, là, ne vous inquiétez-vous pas, bon peuple, je pense à vous. Puis, ce qu'il a dit, c'est que les universités auraient le droit, parce que, bon, on le sait, les frais de scolarité, les droits de scolarité, tout ça, tous les montants que les étudiants déboursent pour avoir le droit de se pointer à l'université, c'est très, très réglementé. Ça ne peut pas être augmenté n'importe comment. On le sait, de toute façon, s'il y a une augmentation, c'est sûr et certain qu'il y a des assos étudiantes qui embarquent là-dedans puis qui manifestent. Donc, c'est des choses extrêmement encadrées, réglementées, qu'on ne fait pas n'importe comment, n'importe quand. Ceci étant dit... il y a quand même certaines choses que le gouvernement peut faire. Puis ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est qu'il a dit, ben vous, les universités, peut-être que ça vous stresse parce que là, présentement, c'est un problème au Québec parce que toutes les universités sont en train de faire des budgets déficitaires à cause des coupures qui ont été comme trop vite, là, mettons. Mm-hmm. Là, et qui ne savent pas comment se remettre de ça. Ils n'ont pas eu le temps de s'adapter, puis tout, des coupures de plus. Fait que là, le gouvernement a dit, bon, ben, ce que vous pouvez faire, c'est qu'on vous donne le droit d'augmenter les frais de scolarité des étudiants étrangers. Première affaire qui me dérange, étudiants étrangers. C'est internationaux. Je reviens là-dessus. Mais effectivement, moi, je trouve qu'on devrait plutôt dire internationaux. Merci de péter mon élan. Oh, Mathieu, je l'ai dit. Oh, ben, maudit, parle pas. Je suis de mauvaise humeur à matin. C'est ça. Prends ton trou. Seb, t'avais de pogner une chaise dans le studio et la garocher dans le mur. Dieu sait qu'on n'a pas de trou dans le studio. Hey, on a 5. C'est pas si pire. C'est des blagues. Hey, ça serait malade pour la caméra 3. Mais ça. Hein? On a des beaux tapis sur les murs à serre avec pour empêcher le son, fait que ça va faire moins de dégâts si tu lances une chaise sur le mur. Ouais, on a quand même laissé la porte ouverte. C'est vrai, ouais. On est vraiment ridicule, hein. Ouais. C'est pas grave. Au moins, sont pas juste à côté à terre et qu'on a tout en peur d'y faire tomber quand on arrive. Parenthèse, là, il y a des panneaux sur les murs pour pas que le bruit rebondisse, mais on laisse la porte ouverte. Ça, c'est l'ironie d'assemblage requis. Et l'autre ironie, c'est qu'on a fait installer une fenêtre dans la porte et il y a des gens qui couvrent la fenêtre pour pas que les gens voient l'intérieur. Fait que ça, ironie de la chose. trouve. Bienvenue chez les radios communautaires. Bienvenue. TVA était là. TVA était là. François Bingo aussi. Sur la Lune. Donc, sur la Lune, oui. Au centre de la Terre avec les dinosaures. Bon. Donc, oui. J'ai complètement oublié. J'ai pété ta lancée. Oui, t'as pété ma lancée, Didier. Bon. Ouais. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, nouvelle compression budgétaire encore dans les universités. Ça s'en vient quasiment, je dis quasiment plus de l'actualité parce que ça arrive tout le temps, c'est depuis les deux dernières années. Mais là, c'est ça. Donc, pour nous rassurer, notre cher premier ministre a dit que permet aux universités d'augmenter de 20 % Déjà là, c'est, pas 20 % 25 % le quart. Mm-hmm. Les frais de scolarité des étudiants étrangers, internationaux. J'aime mieux dire internationaux. Première montée de lait. Pourquoi est-ce qu'on dit encore étranger, Simonac? Mm-hmm. Ouais. Excusez-la, là, mais c'est parce que étranger, là, tu sais, oui, si tu prends la définition dans le dictionnaire, je me suis fait mettre d'en face d'ailleurs, la première définition d'étranger, c'est qui vient d'ailleurs. Ouais. Mais étranger, en français, on a une petite chose qui s'appelle la connotation. Mm-hmm. Ouais, mettons. On s'entend que internationaux, étrangers, étranger est comme connoté assez pas d'affaires là, contrairement à internationaux qui y viennent d'ailleurs, point. Étranger, il y a un petit quelque chose de on vous connaît pas, on est modérément intéressé à vous connaître. C'est un peu comme aux États-Unis les illegal aliens, comme les extraterrestres illégaux, là, c'est les immigrants mais du en fait, sud. Ça c'est drôle parce que alien à base, c'était ça voulait dire étranger. Ouais. Puis le terme avec le temps avec les films de science-fiction en fait a changé de dénotation en fait pour vouloir dire plutôt les extraterrestres, les gens qui viennent de d'autres planètes. Ben, gens, en tout cas, ça entend. Les bibittes. Ouais, on parle de, tu sais, jusqu'à un certain point, les traces de microbes qui ont trouvé, de bactéries qui ont trouvé sur Mars, c'est des aliens, là, à la base. C'est parce qu'ils n'ont pas encore éclos. Ah. ils ont pas encore éclos de leur œuf. C'est ça. Ils sont pas encore agrippés à une face comme dans Alien. T'as tout compris. Écris un film de science-fiction, Tania. Ah, ça serait bon. Malade. On fait des courses de vaisseaux spatiaux. Ah! Ça a déjà été fait, malheureusement. Ah ouais, ouais. Tu connais ça. Star Wars épisode 1. Ah, Podracer, c'est le bout que je skip quand je regarde le film. Ouais. Mais non, c'est le seul bon bout du film. C'est le seul bon bout que t'entends pas Jar Jar Binks. Ah, hey, on est rendu loin. Ouais. C'est ce qu'on appelle les parenthèses. Bienvenue à Assemblage Requis. Les parenthèses dans les parenthèses qui sont dans d'autres parenthèses encore. Parenthèseception à Assemblage Requis. Je pense qu'on devrait arrêter d'appeler le bulletin Gertin le bulletin Gertin. Plutôt, on devrait l'appeler Parentheseception. C'est très bon. Je trouve ça très bon. C'est comme on travaille, on joue sur la forme. Ah, c'est un finaliste pour le titre de l'épisode jusqu'à maintenant. Parenthèseception. Oh, oh. Ouais, ouais, finaliste. Ouais. Parce que je n'avais eu un au début de la session, c'était Palmagnaise. Palmagnaise, hashtag Palmagnaise. Ouais. Cool. Hey, je suis content. Je suis à demain. C'est une petite victoire. C'est ça. Ouais. Bon, donc, on parlait de choses un peu quand même plus plates que ça. Hausse des frais de scolarité des étudiants internationaux. À partir de maintenant, le mot étranger est banni de mon vocabulaire jusqu'à la fin de la chronique. Okay. J'espère. Donc, on parle de hausse des frais de scolarité des étudiants internationaux parce que, bon, comme je disais, le premier ministre propose de les augmenter du quart. Mm-hmm. Déjà là, ça fait drôle un peu. 25%. Tu sais, il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu. À l'œil, là, le quart de plus, je devrais vous arranger avec ça. Ouais, c'est déjà un problème que j'ai avec ça. Quand que le chiffre était un peu trop rond, tu sais, le quart, on s'entend dessus qu'il n'a pas pensé longtemps avant de dire ça. Fait que c'était un peu déjà. Ça sent déjà un peu le botchage. Ah! Tu peux. Ouais. Tu s'entends. Bon. Fait que ça, c'est déjà un problème. L'autre affaire aussi, c'est qu'il y en a qui ont soulevé le problème avec ça, c'est que, bon, évidemment, en fait, avant de m'en aller là, moi, il y a un problème que je vois déjà avec ça qui est un peu d'ordre, mettons, moral ou de on pourrait dire, de rigueur politique, ce coup-là. C'est-à-dire que, là, ce qu'on voit, c'est que là, le gouvernement donne des gros incitatifs à augmenter les frais de scolarité des étudiants internationaux. Puis on s'entend que les universités se font dire « OK, vous avez ça comme revenu que vous pouvez relativement facilement aller chercher. » On s'entend-tu que présentement, là, dans le contexte où à peu près toutes les universités du Québec ont des budgets déficitaires, c'est clair qu'ils vont se garrocher là-dessus sans se poser de questions. À base, là. Ça c'est déjà certain. Or, moi, ce que je trouve plate, c'est que là, c'est sûr que ça va déranger du monde, c'est sûr qu'il y aurait eu des questions à se poser derrière ça, puis ils ne feront pas, ils ne poseront pas. C'est déjà un problème. L'autre problème aussi, c'est que clairement, ça vient d'une... Il y a une volonté de la part du gouvernement d'augmenter pour des raisons qu'on ne peut pas encore tout à fait dire. Mais que généralement, l'ordre, de la façon que ça arrive, on augmente les frais de scolarité des internationaux, on augmente les frais de scolarité des internationaux qu'on pourrait dire privilégiés, c'est-à-dire ceux qui ont des deals particuliers comme les Français, ou on peut mettre là-dedans aussi les étudiants du reste du Canada. Mm-hmm. Puis après ça, ben, c'est les étudiants québécois qui augmentent. Puis, historiquement, apparemment, que ce schéma-là se constate pas mal à toutes les fois qu'il y a eu des hausses de frais de scolarité. Pis tout. Donc, on s'entend-tu que d'ici une couple d'années, probablement qu'on a un autre. Bon, ben on va encore vous augmenter de 1 000$ par année ou de 2 000$ par année. Mm-hmm. Probablement que déjà là, ça nous pend au bout du nez. Puis là, ben évidemment, ils veulent pas trop, le gouvernement veut pas trop créer de grogne parce que là, ils sont de moins en moins populaires, veut pas. Malgré toutes les grandes idées du PQ dernièrement, en fait, du chef du PQ, là, qui font que les libéraux, qui sont quand même capables de se maintenir dans un sondage malgré ce qui font à peu près tout pour être impopulaires dans ce temps-ci. Mais bon, là encore, ça, c'est toute une autre affaire. Donc, ils remettent un peu, dans le fond, ce qui est en train de se passer. Moi, à mon avis, le fait de dire, au lieu de dire, on va augmenter les frais de scolarité de tous les étudiants internationaux dans la province, de dire, les universités, vous pouvez prendre la décision de les augmenter jusqu'à 25. En gros, ce que ça fait, c'est remettre l'odieux d'une décision pas le fun sur les directions d'université. En gros, c'est un problème. Ouais, quand même assez, hein? Parce que c'est leur décision à base. Je veux dire qu'ils font tout pour les pousser à ça. Parce que d'un côté, comme je disais, ben là, on a coupeur sur coupeur. V'là 3 ans, on se fait le même parti qui était le gouvernement aussi, v'là 3 ans, disait « Ah, les universités manquent d'argent, faut augmenter les frais de tout le monde, sinon ça marchera plus. » Puis tout, puis là, on coupe. Bon, là, on s'entend, là, il s'est passé des choses entre les deux, là, d'ailleurs. Ils ont fini par, d'ailleurs, reculer sur ces hausses-là. Mais bon, ça reste qu'on n'avait pas trop d'argent dans les universités nécessairement non plus. Ce qu'il y en a qui disaient, c'est qu'il y avait trop de bureaucratie dans les universités. Est-ce qu'on fait ce débat-là à matin? Ben, je pense qu'il y a moyen de dire que peut-être qu'il y en a, mais là, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'à toutes les fois qu'on augmente les frais de telle affaire ou qu'on augmente telle affaire, ben, on crée des nouvelles structures bureaucratiques parce que ça, c'est la petite maladie cachée qu'on a au Québec. Ouais. À toutes les fois qu'on fait une nouvelle subvention ou on fait une nouvelle affaire, on crée des nouveaux mécanismes de reddition de comptes. Ça, pour la petite histoire, ceux qui l'ont illustré de manière la plus évidente, ce que je suis en train de parler, ça a été l'Union des municipalités qui, bon, il y a quelques mois, en fait, parlait justement de ce problème-là, qui disait que les municipalités sont prises avec un fardeau bureaucratique très élevé, qui disait pour chaque, mettons, 1 000$ qu'une municipalité reçoit, puis là, ça, c'est autant d'un village de 4 000 habitants que d'une ville. Pour chaque 1 000$ qu'une municipalité reçoit, faut qu'elle dépense, mettons, je pense que pour chaque 10 000$, il fallait quasiment qu'elle dépense 10%, donc, mettons, quasiment 1 000$ en frais de remplir telle paperasse, faire remplir une analyse par des économistes, faire remplir une analyse par telle affaire, de tonnes et demie de paperasse. Puis là, ça finit pas là, parce qu'en plus, de l'autre côté, ça prend des fonctionnaires pour lire toute cette paperasse-là, oui, puis mettre une étampe dessus pour dire qu'elle est acceptée. Fait que ça... Puis là, on peut faire le gros débat de « Ouais, mais là, tu parles comme un gars de droite » ou « Tu sais, ou tu sais. » Là, c'est pas une question de droite ou de gauche. Là, je pense que là, peu importe du côté de... D'ailleurs, on pourrait faire notre grosse parenthèse de où que ça vient, la droite puis la gauche, mais c'est très, très artificiel comme division, on s'entend. Okay. Mais pis, ce serait intéressant quand même de le faire un jour. Ben, ça serait intéressant de le faire. En gros, c'est pas compliqué. Ça vient de la France. En France, à un moment donné, quand ils ont constitué une de leurs multiples républiques, parce que la France a souvent changé de système politique, il y avait la gang qui était pour que l'État gère plus d'affaires, tu sais, l'État central, mm-hmm. Puis il y avait la gang qui était pour que l'État central gère moins d'affaires. La première gang s'est assise à gauche, la deuxième gang s'est assise à droite, de là vient droite et gauche. Ah, ben voilà. On s'entend, là. Donc, fait que là, c'est ça, comme je disais, de commencer à dire, il y a trop de bureaucratie, puis tout, ça sonne un peu de droite. Non, parce que les gens, autant à droite qu'à gauche, il n'y a personne qui aime ça, du gaspillage, puis il n'y a personne qui aime ça, mal utiliser les ressources. Claire. Donc, c'était une micro-montée de lait, en parenthèse, d'une plus grosse montée de lait. Mais tu vois comment ça se fait avec classe, une montée de lait? Ben oui. Hey, toujours. C'est propre, cette affaire-là. Aucun dégât, les murs sont encore... Il n'y a pas de tous les murs intacts. ça serait plate des maganés alors qu'on vient d'avoir nos beaux tapis des années 90. Nos beaux tapis posés sur les murs. Gris pastel, gris bleu pastel, bref, vous viendrez voir. Mais oui. On irait beau chemin. On a laissé la porte ouverte. Oui, aussi. Aussi. Venez rentrer dans le local, venez nous dire salut au micro. Criez fort. On a le petit micro qui pointe quasiment vers la porte en plus. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Durant le carnaval, on a pris le son ambiant pour faire notre son de fond. On a un micro sur pied fait exprès pour ça. Alors, la technologie, ça. Hey, c'est effrayant. C'est technologique, là. C'était perché sur une chaise en plein milieu du corridor. Mais l'illusion, l'illusion de l'auditeur. Ah oui, voilà. Bon, on disait C'est l'intérêt de la radio. T'as pas besoin de beaucoup d'effets spéciaux pour impressionner les gens. En tant qu'on se croit et qu'on donne l'impression d'avoir une caméra 3 et un micro magique, les gens vont penser qu'on a littéralement un micro magique et une caméra 3. T'as bien raison là-dessus, je suis d'accord. Voilà. Donc... Je parlais de fil et en aiguille, de c'était pas ça l'expression, mais en tout cas de montée de lait en montée de lait, de parenthèse en parenthèse. Petite montée de lait. Je parlais des la proposer ou la suggérer, en fait. Je pense que c'est quand même une suggestion. La suggérer hausse des frais de scolarité des étudiants internationaux. Je parlais de que c'était un peu le gouvernement qui mettait l'odieux de la décision d'hausser les frais de scolarité des étudiants internationaux sur le dos des administrations universitaires. L'autre problème aussi, ce qu'il y en a qui ont dit, puis ça, c'est un point de vue que, il part de certaines bases que je suis moins d'accord, c'est de dire que les gens qui disent « oui, c'est un bon moyen de se sauver des déficits budgétaires qu'on a présentement », il y en a qui disaient « c'est complètement injuste, en fait ». Parce que ce qu'on... c'est complètement injuste entre les universités. Okay. Parce que ce qui arrive, on s'entend au Québec, toute université n'est pas pareille. L'UQTR n'est pas McGill. Non, tout à fait. Il y a une légère marge entre les deux. On n'est pas un simili Poudlard sur l'île de Montréal ici. On s'entend, quiconque a vu les salles de classe de l'UQTR ne peut pas se méprendre avec l'école des sorciers. C'est assez impossible. Ceci étant dit, dans le fond, une des affaires, c'est que mettons, comme à l'UQTR, on a une proportion assez basse d'étudiants internationaux. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est pas le quart, c'est pas la moitié. Mais c'est ça, on le voit à l'œil que c'est pas... Ouais. On en a quelques centaines. À la limite, on en a peut-être un millier, peut-être un peu plus. Ouais. Mais à base, on n'en a pas. C'est très loin de la majorité des étudiants de l'UQTR qui sont des étudiants internationaux. D'ailleurs, les universités du Québec, fait intéressant, dans le fond, sont en très plus grande proportion, premièrement, des étudiants qui viennent de région et des étudiants, ce qu'on appelle de première génération, c'est-à-dire des étudiants que leurs parents n'ont pas fait d'études supérieures, ouais. n'ont pas été à l'université. Ça inclut, c'est ça. Puis, n'ont pas fait d'études supérieures, mais ça inclut aussi les étudiants que leurs parents sont allés au cégep, par contre. Okay. C'est pas calculé. C'est vraiment première génération qui sont allés à l'université. Mmh. Contrairement aux universités qu'on appelle à charte, comme l'Université McGill, Concordia, pourquoi je cite eux autres d'ailleurs, c'est que ces universités-là, une des choses qui ont différentes, en plus de, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans une chronique ici, les différences dans leur manière de se financer qui sont en fait pas tellement différentes, c'est juste que ça donne qu'ils reçoivent plus de philanthropie, c'est pour ça qu'ils sont plus riches. Mais une autre différence aussi, c'est que ces universités-là attirent beaucoup plus d'étudiants internationaux. Mm-hmm. C'est un peu un running gag dans le mouvement étudiant que Concordia, c'est presque une université qui sert plus aux Américains qu'aux Québécois. Ah, mais c'est pas totalement faux, hein? Parce que souvent, en fait, c'est ça, on le sait, étudier aux États-Unis, ça peut coûter des 20 000 $ par session, mm-hmm. des fois, ou en tout cas 20 000 $ par année. Ça, c'est très fréquent, même dans les universités semi-publiques. Parce que là encore, eux autres, on sait, les États-Unis, eux autres, c'est toujours le... comme je disais, au Québec, nous autres, on a comme... À peu près, toutes les universités fonctionnent pareil, mais ont certaines différences. Mais bon, aux États-Unis, c'est le free-for-all. Il y a des universités publiques, il y a des universités complètement privées, il y a des universités qui sont semi-privées. Il y a tout le... Aux États-Unis, t'as à peu près tout. Mais ça coûte... Une chose qui reste aux États-Unis, c'est que ça coûte très cher aller à l'université. Ouais. Fait que ceux qui sont capables essayent de venir au Canada, au Québec, entre autres, pour étudier à coût moindre, parce que même si on charge beaucoup plus cher aux étudiants internationaux, ça revient, pour certains Américains, ça leur revient quand même moins cher que d'étudier chez eux. Et le diplôme vaut la même chose? Le diplôme de Concordia et McGill, je pense qu'il est reconnu partout. Okay. C'est tellement... Tu sais, c'est rendu des instituts qui sont vraiment reconnus internationalement. Mmh. De ce côté-là, je pense que c'est un peu pour ça que, justement, ils viennent... À Montréal. Ouais. Puis on s'entend, de toute façon, les gens qui font ça, c'est pas nécessairement les gens qui vont chercher, qui iraient chercher, mettons, c'est pas nécessairement ceux qui, par exemple, iraient à Harvard. Okay? Ouais, c'est ça. Ils seraient pas nécessairement acceptés à Harvard. Ça serait pas, c'est ça. Là encore, il y a toute une sociologie derrière ça, que ça, il se fait immensément d'études là-dessus, d'ailleurs. Puis je reste dans des trucs très superficiels par rapport à ça. Mais bon, en gros, c'est ça. C'était pour en venir à dire que, par exemple, Concordia, il y a une très forte proportion des étudiants qui fréquentent Concordia présentement qui ne sont pas citoyens québécois, ouais. qui sont même pas citoyens canadiens, donc qui rentrent dans la catégorie étudiants internationaux. Oui. Et donc que leurs frais de scolarité seraient augmentés. Mais ça, ce que ça fait, c'est que vu qu'eux autres... J'ai déjà entendu dire même que... J'ai eu de la misère à trouver le chiffre, honnêtement, là, mais j'ai déjà même vu des gens qui disaient que c'était plus de la moitié, en fait, de Concordia qui venaient pas du Québec. Wow. C'est vraiment beaucoup. Ça inclut des gens du Rest of Canada. Ouais. Mais c'était aussi, comme je disais, c'est beaucoup... Concordia, c'est beaucoup des étudiants américains qui vont là. Donc, c'est sûr que Concordia, eux autres, augmenté de 25% les frais de scolarité des étudiants internationaux, ben ça va leur rapporter pas mal plus, même en proportion du... parce qu'on s'entend, il y a plus d'étudiants à Concordia qu'à l'UQTR aussi, mm-hmm. en chiffre absolu, mais même en proportion pour le nombre d'étudiants inscrits à l'université, ça va leur rapporter plus, parce qu'en proportion, ils ont beaucoup plus d'étudiants internationaux. Donc là, ce qu'il y en a qui disaient, c'est qu'ils disaient, ben c'est une mesure un peu niaiseuse, parce que c'est complètement injuste. Il y a certaines universités, justement les plus touchées, qui vont moins... les plus touchées, c'est-à-dire les universités du réseau des UQ, parce que c'est les mm-hmm. universités qui sont les plus réglementées, puis qui en arrachent le plus présentement. C'est aussi les universités qui sont qui reçoivent le moins de philanthropie. Parce que c'est ça la grosse différence de financement entre des universités comme McGill puis des universités comme l'UQTR. McGill ou Concordia, là, pour rester avec l'exemple de Concordia, la grosse différence, c'est que ces universités-là ont des fondations beaucoup plus fournies. Une fondation, dans le fond, l'argent qu'ils reçoivent en dons puis tout pour faire fonctionner l'université, leurs fondations sont beaucoup plus fournies que l'UQTR. À base, les subventions directes, les frais payés par le gouvernement pour les études des étudiants, ils reçoivent la même affaire que l'UQTR à base. Donc là, de dire c'est une université privée publique, là, c'est un peu de ça que j'avais parlé d'ailleurs la fois que j'en avais parlé ici. C'est un peu une division. C'est pas juste d'utiliser le terme privé public. C'est qu'on dit c'est des universités du Québec et des universités à charte. Mmh. C'est plutôt le mode de gestion interne qui change. Et comme je disais, certains, mais que ça tient plus du fait sociologique que le fait qu'ils ont plus d'étudiants internationaux, le fait qu'ils ont plus de qu'ils reçoivent plus de philanthropie. Donc là je vais en rond un peu des mêmes affaires, mais ça c'était pour dire que il y a des grandes raisons a priori d'être contre cette hausse-là présentement, parce que c'est premièrement les administrations universitaires se font un peu les beaux autres services du gouvernement présentement. Et pour eux autres, c'est injuste. Mm-hmm. D'un point de vue d'être un administrateur universitaire, c'est la première chose, surtout à l'UQTR, c'est la première chose que tu dis, ouais, mais regarde, toute chose n'est pas égale, Concordia vont faire bien plus de cash, puis ils sont moins dans le trou que nous mm-hmm. autres. Fait que c'est pas ben ben brillant comme manière de faire. Il y a d'autres raisons. Ça, je veux pas trop embarquer dedans ce matin parce que, bon, il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Comme nous autres, à l'UQTR, on a beaucoup d'étudiants africains ouais. qui sont pas nécessairement très en moyen quand ils viennent ici pour différentes raisons. Premièrement, parce que souvent, la monnaie de leur pays vaut beaucoup moins que le dollar canadien. Ah ouais. Donc, quand ils arrivent ici, eux autres, leur moyen baisse beaucoup d'un coup quand ils arrivent ici. Donc, est-ce que c'est un mythe, je m'excuse de t'interrompre, est-ce que c'est un mythe de dire, parce que j'entends souvent le commentaire que les étudiants internationaux qui viennent ici, c'est des gens qui sont super riches et viennent ici en grosses voitures, qui sont princes dans leur pays ou je sais pas trop quoi. On entend souvent ça des étudiants internationaux. Ce serait un mythe? Ben, je vais le dire, oui ou non. Ah, encore? C'est que la raison, en fait, ce que je vais dire, c'est que, premièrement, là encore, on tombe dans la sociologie. Les réponses à ça, pour donner une réponse intelligente, il faudrait regarder les études qui se font. D'ailleurs, l'UQTR fait ces études-là. Ah. De ce que j'en sais, bon, il y a clairement certains exemples de ce que ça tu arrive. Dis quand même. Okay. Ouais. Ça arrive. Est-ce que c'est la majorité des étudiants africains? Mais c'est sûr que tu vois le plus. C'est très difficile à dire. Donc, c'est facile de faire une généralisation. C'est peut-être sûr qu'on remarque le ouais. plus. C'est comme c'est facile de dire, bon, ben, tu sais, un noir a commis un meurtre, donc tous les noirs sont des meurtriers. C'est un peu ça. C'est, hein? Ouais, c'est ça. C'est une généralisation extrêmement hâtive. Je mets une image plus que ça, y a, là, en psychocognitif et en neurosciences, il y a un effet qu'on va dire. C'est que souvent ces exemples-là vont être plus saillants. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on va les retenir plus. Ouais. Mm-hmm. La fois que tu vois un étudiant qui est clairement africain débarquer d'une BN de l'année, tu ouais. vas te dire, ah ben ouais, ils sont tous de même. C'est sûr que lui va te rester plus dans la tête. Ouais. Mais ça, c'est des biais d'interprétation qu'on a, mais qu'il faut faire attention. C'est pour ça que je dis, moi, je reste prudent avec ce que je dis par rapport à c'est quoi l'état des c'est quoi l'état des finances des étudiants internationaux, parce que justement, quand il a été déclaré cette mesure-là d'augmenter les frais de scolarité de ces étudiants-là, de possiblement les augmenter, il y a plusieurs associations d'étudiants qui représentent les étudiants internationaux. À l'UQTR, on en a une par pays de provenance, puis il y en a une qui s'appelle Complice, qui regroupe un peu tout ça, puis qui sert entre autres à l'intégration, puis tout. D'ailleurs, on est censé, là, ça nécessite confirmation, mais à notre émission demain, la sortie de secours est à votre gauche, on va peut-être recevoir le président de ce comité-là, ou en tout cas quelqu'un de ce comité-là. C'est bien, c'est bien. Qui va venir nous parler plus de ça, justement, il est plus... qui aurait plus ces infos-là que moi, là. Mais c'est ça reste que ça a été beaucoup dit par plusieurs personnes, plusieurs intervenants, c'est qu'il y a quand même une partie significative des étudiants internationaux qui en arrachent financièrement, déjà dans l'état actuel des choses. Fait que d'aller d'augmenter du quart leur frais de scolarité, ça va pas les aider. Puis là, quand je dis ils ont de la misère à arriver, c'est des cas de banque alimentaire. Ça existe pour ça, j'imagine, oui. Notamment, c'est sûr. Il y a des étudiants québécois aussi qui ont recours à ça, là. Mais en tout cas, on sait qu'il en existe de ça aussi. Moi, comme j'ai dit, je veux pas me prononcer sur c'est-tu la majorité, c'est quoi comme proportion. Même chose par rapport au cliché un peu des princes africains. Ouais. Là encore, je veux pas me prononcer là-dessus. Moi, j'ai l'impression que c'est assez facile de déduire qu'il y a probablement un effet de billet de perception derrière ça, mais il y en a-tu tant que ça? Il y en a-tu pas en tout? Bon, très difficile à dire. C'est pour ça que je dis ça nécessite de se baser sur des études. Ça tombe bien, l'UQTR en fait. J'ai juste pas pris le temps. Ouais. Mais c'est ça. Ça reste qu'il y a des gens qui vont être touchés par ça. Il va falloir, minimalement, si l'administration de l'UQTR décide d'aller de l'avant dans cette chose-là, va falloir qu'ils en tiennent compte quand même. Même si c'est 10 étudiants qui sont vraiment dans le trou, c'est quand même 10 étudiants que c'est pas normal qu'ils puissent pas se nourrir minimalement à cause que les frais de scolarité ont augmenté. Ouais. Fait qu'il va falloir que l'université prenne ses responsabilités s'ils décident d'aller de l'avant avec ça. Voilà. Voilà. Voilà. C'était si bien pas dit. Mal, voilà. Voilà, voilà, comme on dit à la fin d'une chronique. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Donc, c'était ma montée de lait d'un matin. Un sujet, ouais, c'est ça, tu sais, qui t'a fait monter sur tes petits chevaux. Mes moyens chevaux. Mes moyens chevaux, je suis pas très grand, fait que moi, un petit cheval. C'était pas un gag de ça. Je veux dire, un petit cheval ou un gros poney. Un gros poney, ouais. On pourrait dire ça. Un poney grand slack. C'est ça. On te retrouve, Sébastien Bigartin, à ton émission. Tu l'as dit, la sortie de secours à votre gauche, les jeudis 13h, heure de l'Est, sur C'est fou 89 FM. Ça repasse les samedis matins à 9h. Sujet, en gros, qui va être abordé cette semaine? Ben, en fait, le sujet duquel j'ai parlé, comme je l'ai dit, on va recevoir, on devrait recevoir un... c'est pas encore totalement confirmé. Ouais. On est deux animateurs, nous aussi, puis on travaille un peu chacun de notre bord, fait que des fois... la communication, hein, c'est ça. Mais les deux, on est en philo, fait qu'on est un peu old school. Ah. Puis bon, c'est ça. Fait qu'on devrait avoir quelqu'un pour venir nous parler de ça. Plutôt, plus l'aspect, mettons, je dirais, personnel, la situation qu'ils vivent, puis les données que moi, j'avais pas, lui devrait les avoir, parce que lui ou elle, là, mais je pense que c'était supposé d'être un homme qui vient. On va aussi parler, probablement, qu'on va faire un peu allusion aux primaires américaines, parce qu'il y a eu encore des développements, puis on aime bien ça. Ah, faut pas voler le punch, là, mais... Sanders puis Trump. Ah. Ah, voilà. Wow. Bon, tu viens de voler le punch. Ben oui, personne n'a vu les unes de journaux ce matin. Non, non, c'est ça. C'est, les gens lisent plus ça. Ben non, les journaux lisent ça. Voyons donc. Puis il y a ça, peut-être parler un petit peu de missions militaires canadiennes, des affaires de même, là. Intéressant. Et plein d'autres surprises. La sortie de secours est à votre gauche, jeudi 13h, samedi 9h. Merci Sébastien Gertz. Merci à vous. Bonne semaine. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.